5 à 7 via Cité RTBF. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, Denji Electrabel. Quel temps va-t-il faire, Dominique? Bonjour. Bonjour. Eh bien, demain, une zone pluvieuse affaiblie va traverser le pays. Donc, ça va se traduire plutôt par un ciel très nuageux avec tout au plus quelques gouttes par endroit. Et les éclaircies finiront par reprendre le dessus. Plutôt une bonne nouvelle, maxima 17 à 20 degrés. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Des policiers français qui arrêtent des policiers belges, ça ne peut plus se reproduire. Plusieurs syndicats belges ont déposé un préavis de grève. La drogue de plus en plus visible à Charleroi, des riverains ramassent quotidiennement des seringues. Ça a toujours été, mais c'est vrai qu'il n'y a plus aucune discrétion. À 4h de l'après-midi, en plein milieu du passage, on peut avoir un gars qui se déculotte et puis qui se pique. Le Conseil supérieur de la santé vous recommande de manger moins de sucre, moins de sel, moins de graisse. Mais pas n'importe quelle graisse, nous le verrons avec Catherine Tonero. Les femmes italiennes ne font pas assez d'enfants. Le gouvernement a lancé une campagne de pub pour inciter les femmes à procréer. C'est très mal passé auprès de la population. Mais chez nous, en Belgique, est-ce qu'on fait assez d'enfants? C'est la question que nous poserons à un démographe. En tennis, la Belgique affrontera l'Allemagne en Coupe Davis. Ce sera en février prochain. Le journal sur Vivacité, c'est avec Simon Gérard. Bonjour Simon. Bonjour Cyril, bonjour à tous. L'affaire des policiers belges arrêtés par des policiers français prend de l'ampleur. Oui, on vous en parlait hier. Deux policiers belges ont été arrêtés et interrogés durant 4 heures par leurs collègues français, car les agents belges ont déposé une dizaine de migrants à la frontière. Hallucinant côté français qui exige des explications. L'ambassadeur belge doit fournir ses explications auprès du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. En Belgique, ce sont les policiers, eux, qui grogne pour Stéphane Deldic, secrétaire permanent du CSC Service Public. Pour lui, ça fait des années que la question du raccompagnement des clandestins n'est pas réglée. Nous revendiquons et nous allons revendiquer l'adaptation du cadre légal. Cette problématique ne s'arrêtera pas demain ni après-demain. Nous voulons éviter à l'avenir qu'un tel écueil se reproduise. Et cet événement justifié, ce front commun de la part des deux syndicats? Bien évidemment, je crois que ce front commun, pour l'instant, à deux, mais je n'ai aucun doute que nous serons rejoints par les autres organisations syndicales. C'est simplement un signal fort que nous voulons adresser à l'autorité politique de dire « Vous nous en demandez toujours plus, nous n'avons pas de moyens et malgré la bonne foi des collègues sur le terrain qui veulent rendre un service à la population dans les conditions difficiles, eh bien, même dans ces conditions-là, on arrive encore à stigmatiser le travailleur policier. Et ça, pour nous, c'est inacceptable. » Des propos recueillis par Romain Bardet. Le SLFP Police a d'ailleurs déposé un préavis de grève. Les drogues dures sont de plus en plus visibles à Charleroi. Et ramasser les seringues, les cuillères, c'est devenu le quotidien pour les habitants de plusieurs quartiers, comme pour cette commerçante du passage de la Bourse. Ça a toujours été, mais c'est vrai qu'il n'y a plus aucune discrétion. À 4h de l'après-midi, en plein milieu du passage, on peut avoir un gars qui se déculotte et puis qui se pique. Alors, au comptoir d'échange des seringues, une association qui s'occupe des toxicomanes, on ne croise pas plus de drogués qu'avant. Mais Laurence Prasicouli, qui travaille au comptoir d'échange, l'assure. Nous enregistrons ici toutes les personnes qui se présentent à nous. Comme nous enregistrons le nombre de seringues que nous donnons à chacun et que nous récupérons par chacun, 500 personnes différentes, et je peux vous dire qu'on reste dans ces chiffres. Ces derniers temps, ça ne bouge pas. Le mouvement n'est pas pour le moment en train d'augmenter. Il n'y a pas un accroissement de l'offre du produit dans la rue? Ah, s'il y a accroissement, il ne date pas d'aujourd'hui, il ne date pas d'hier. Il date déjà de... Ça fait déjà quelques années que la multiplication des dealers, des modes aussi de deal est apparue sur le centre-ville de Charleroi. Vous sauvez des vies? Je ne dirais pas qu'on va jusqu'à sauver des vies, mais je pense qu'on accompagne des personnes dont la vie et dont l'état de santé est en réel danger et qu'on prend soin d'eux et on veille sur eux. Et je pense qu'à l'occasion, c'est vrai, on évite sans doute à certains de tomber encore plus bas et peut-être la fin de la vie pour certains, ce serait plus nuancé. Une interview réalisée par Luciano Arcangeli. Notez que 100 000 seringues sont échangées chaque année à Charleroi. Les experts sont venus exposer leurs travaux au procès Westphal. Et certaines constatations viennent mettre à mal la thèse de la défense. Bernard Westphal soutient que sa compagne s'est suicidée. Mais un élément troublant, il y a eu un contact intense entre un oreiller et le visage de Véronique Piroton, Michel Gretry. L'ex-député Westphal a-t-il tué son épouse avec son coussin? C'est la thèse de l'accusation. Et c'est un laboratoire d'analyse textile de la police qui a été chargé de la vérifier. Des traces de maquillage ont été retrouvées sur une taie d'oreiller, dont des fibres se retrouvent sur le cadavre. Plus précisément, 14 fibres sur la face, sur le front dans la majorité. Des fibres synthétiques qui ne restent pas longtemps collées à la peau, d'où cette interprétation des experts. Il y a très probablement eu un contact intense entre le tissu et le visage peu de temps avant la mort. Les scientifiques ont poussé plus loin les recherches. Ils ont étudié des prélèvements sur la langue et dans la gorge. Ils ont traqué ce qui a pu être aspiré. Résultat, 2 fibres sur la langue, 1 fibre dans la gorge. C'est trop peu pour trancher, étouffement ou pas étouffement. Ils ne se prononcent pas. Il n'empêche, ces conclusions ne correspondent vraiment pas à la version des événements que l'accusé présente. Et à l'audience, il peine à trouver une explication. Au 4e jour du procès, les lignes de défense viennent d'être bousculées. Les explications de Michel Gretry. Il y a 6 mois, tout pile, Bruxelles était attaquée par des terroristes. 2 attentats, le premier à Zaventem, le second à Malbec. 32 morts, plusieurs centaines de blessés. 6 mois après, les personnes qui passent tous les jours par la station de métro Malbec n'ont pas oublié, mais ils refusent de céder à la peur. Je suis convaincue que je vais continuer à suivre ma vie comme normale parce que j'habite ici et les terroristes, s'ils n'aiment pas comment il est ici, il faut aller parce qu'il faut vivre comme les Belges ici, il faut vivre normalement, j'ai pas peur et voilà. C'est la première fois que j'y reviens, j'y passe souvent mais c'est la première fois que je prends l'arrêt. Après, la vie continue, je dirais, malheureusement. Le sentiment n'est pas spécialement d'avoir peur ou quoi que ce soit, enfin je veux dire... On sait qu'il s'est passé quelque chose ici, mais voilà, on continue à vivre malgré ce qui s'est passé. Enfin, je veux dire, on va au boulot tous les jours, on revient du boulot, donc toujours en passant par cette station. On voit d'ailleurs la fresque qui a été produite juste après, donc qui nous rappelle quand même que quelque chose s'est passé ici. Mais sinon, voilà, la vie continue, et, tout simplement. Des témoignages recueillis par Pierre Vandenbulk. Et puis suite aux attentats, le tourisme à Bruxelles en a pris un coup. Des mesures de soutien avaient été prises et bonne nouvelle, ces mesures seront prolongées pour 3 mois. La menace terroriste a des conséquences sur les 24 heures vélo également. Cette grande guindaille étudiante aura lieu le 26 et 27 octobre prochain à Louvain-la-Neuve. La sécurité sera fortement renforcée, mais problème, ça coûte de l'argent. Conséquence, les animations seront payantes cette année, 2 euros pour accéder à certaines zones du site. On ouvre une page santé à présent avec ces nouvelles recommandations nutritionnelles pour les Belges. Elles sont formulées par le Conseil supérieur de la santé. Apport journalier recommandé, seuil à ne pas dépasser. Il s'agit de fournir pour chaque nutriment les repères nécessaires à une alimentation saine. Et il faut commencer par réduire, Catherine Tonnero, notre consommation en sucre. Et oui, ce sont les sucres ajoutés qui sont ici pointés du doigt, ajoutés aux aliments, aux jus, aux sodas. Ils peuvent favoriser le diabète et le surpoids. Écoutez Véronique Mindio, experte en diététique au Conseil de la Santé. L'objectif n'est pas d'être à 0 g de sucre, mais de ne pas dépasser peut-être une portion, voire 2 portions d'un aliment qui contiendrait du sucre ajouté. Je pense au dessert lacté, ou à la glace, ou à un gâteau, ou à des biscuits, par exemple. Et de leur préférer des glucides complexes et fibres qu'on retrouvera dans les céréales complètes et les fruits, par exemple. Et une alimentation, une meilleure alimentation, ça passe aussi, Catherine, par moins de graisse. Oui, les lipides, pas de trop, mais surtout par n'importe lesquels. Ce sont les mauvaises graisses qu'il faut éviter, pas les oméga 6 ou 3 que l'on retrouve dans le poisson et dont manque une majorité de la population. Attention aussi aux idées fausses. Écoutez Jean-Ève qui préside le Conseil supérieur de la santé. Remplacer certaines matières grasses par d'autres, ce sont des modes. Hein. On voit ça par exemple pour les huiles tropicales qui sont très à la mode, huile de palme, huile de coco. Eh bien, ça c'est des mauvaises habitudes, il faut surtout pas faire ça. Il faut garder des matières grasses plus traditionnelles. Ceci dit, le retour à 100% en beurre, par exemple, n'est pas une bonne idée non plus. Les dernières recommandations officielles dataient de 2009. Nos habitudes alimentaires ont évidemment évolué depuis, d'où cette nouvelle mouture de conseils et qui feront bientôt l'objet d'un guide pratique. Merci Catherine Tonnero. Catherine Tonnero avec François Garry. C'est l'un des pays les plus vieux du monde. L'Italie a lancé une campagne pour inciter les jeunes femmes à faire des bébés. Bouge-toi, n'attends pas que la cigogne passe. Voilà l'un des slogans. Et le moins que l'on puisse dire, eh bien, c'est que cette campagne est très mal passée. Beaucoup d'Italiens se sont indignés. On ne fait pas d'enfants, ce n'est pas un choix, mais parce qu'on n'a pas de travail. Conséquence, une natalité en berne en Italie, 1,35 enfants par femme. La population italienne a même diminué en 2015. Alors chez nous, en Belgique, est-ce que la situation est la même? Quel problème cela peut engendrer? Pour en parler avec nous, Jean-Paul Sanderson, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en démographie à l'UCL. Mm-hmm. La natalité en Belgique, elle en est où? Est-ce qu'on fait assez de bébés chez nous? Alors, dire qu'on fait assez de bébés ou pas assez de bébés, bon, ça c'est un point de vue qui est assez relatif. On est, en tout cas, à titre de comparaison, on est à un niveau plus élevé que l'Italie, puisqu'on est à 1,78 enfants en moyenne pour l'ensemble du royaume. Et on considère souvent en démographie que pour qu'une population se renouvelle sur base de sa natalité, il faut 2,1 enfants par femme. Et donc là, pour le moment, on est en dessous. Donc ça ne suffit pas, on ne fait pas assez de bébés. Ça, je ne peux pas dire qu'on ne fait pas assez de bébés, puisque la population belge continue à croître, du fait notamment des migrations. Mmh. Mais donc ces migrations, en tout cas, viennent en partie compenser la faiblesse de la fécondité belge. Par ailleurs, il faut bien penser aussi que si la fécondité est faible, la mortalité est également très très faible. Donc la population continue à croître tout en vieillissant. Mmh. Et c'est sans doute là l'un des problèmes que peut poser la faiblesse de la fécondité. Si la Belgique devait atteindre des niveaux ceux que connaît l'Italie, on observerait à ce moment-là un vieillissement accentué de la Belgique, avec évidemment tous les problèmes liés au paiement des pensions, aux soins de santé, etc. Alors vous l'avez dit, pour le moment c'est l'immigration en fait qui compense le fait qu'on n'ait pas assez de bébés en tout cas. Mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer plus d'immigration plutôt que plus de bébés? Parce que voilà, on est quand même vachement nombreux sur la planète. Ce point de vue, en fait, il avait été avancé il y a quelques années par les Nations Unies. Mais pour que cette immigration, pour que ça puisse fonctionner, il faut aussi que nos pays soient prêts à la fois politiquement, mais également au niveau des mentalités, à accueillir ces populations en provenance de l'étranger. Et là, pour le moment, on n'est pas prêt. Mais visiblement, quand on voit les polémiques autour de la crise des migrants, on se rend bien compte que nous sommes encore très loin d'être prêts. Et aussi bien la population d'ailleurs que les politiciens. Merci Jean-Paul Sanderson. Je rappelle donc que vous êtes démographe à l'UCL. En Pologne, le Parlement se penche aujourd'hui sur une proposition de loi interdisant totalement l'avortement. Cette loi punirait aussi les femmes et ceux qui les aident à avorter de 5 ans de prison. C'est donc l'aggravation d'une situation qui n'était déjà pas favorable à l'avortement, Françoise Wolmack. Avorter en Pologne était déjà un parcours du combattant. La loi polonaise est l'une des plus restrictives d'Europe. Cette loi, qui date de 1993, autorise l'avortement dans 3 situations. En cas de risque pour la vie de la mère, en cas de grave pathologie chez l'embryon ou en cas de viol ou d'inceste. Résultat, moins de 2000 avortements légaux sont pratiqués chaque année en Pologne. Le nombre de femmes qui partent se faire avorter clandestinement à l'étranger est inconnu, mais on parle de 100 à 150 000 cas. L'Église catholique, très influente en Pologne, soutient ce projet de loi, mais n'est pas favorable à une peine de prison pour les femmes. Le texte prévoit aussi l'obligation pour l'État de soutenir les familles qui élèvent des enfants handicapés et ceux nés d'un viol ou d'un inceste. Alors est-ce que cette loi risque d'être adoptée? Fort probablement, puisque les conservateurs catholiques sont majoritaires au Parlement. En sport, en football, il aura joué 93 minutes. Vincent Kompany a quitté le terrain dans les arrêts de jeu, grimaçant. Oui, ça s'est passé hier lors de la rencontre Manchester City-Swansea. C'était sa première rencontre après 4 mois d'absence pour blessure. Son entraîneur craint donc une rechute. Le Diable Rouge passera des tests médicaux ce lundi. En tennis, la Belgique affrontera l'Allemagne au premier tour du groupe mondial de la Coupe Davis en février prochain. Le tirage au sort avait lieu cet après-midi à Londres. Après 6 matchs à domicile, les Belges devront cette fois jouer en déplacement face à une équipe d'Allemagne qualitative, mais jouable selon le capitaine belge Johan Van Herck. C'est un tirage qui est quand même pas mal. Un voyage pas très long, je pense que ça c'est quand même important après déjà quelques semaines en Australie, les joueurs vont pouvoir revenir, prendre quelques jours ici et rester en Europe. Je pense que ça, c'est vraiment un avantage d'avoir pas un voyage au Japon, aux États-Unis ou au Canada. D'un autre côté, c'est une équipe qui peut être très forte. Ils peuvent jouer avec Zverev, Cole Schreiber, Dustin Brown. Ils ont plein de bons joueurs. Maintenant, en septembre, ils n'ont pas joué. Maintenant, il faudra voir quelle équipe ils vont aligner. Mais c'est sûr que ça ne va pas être facile, mais c'est d'un autre côté, c'est une équipe qu'on puisse battre. Johan Van Erck, contacté par Christine Anquet. Enfin, direction Bruxelles pour terminer ce journal. Le pénis de Saint-Gilles sera effacé. La pénétration du centre-ville sera, elle, conservée. Depuis quelques jours, ces deux fresques géantes provoquent la curiosité, hein, l'indignation des passants parfois. Mais les politiques ont décidé aujourd'hui, l'œuvre de la rue des Poissonniers ne sera pas effacée. Le pénis Orpo sera, lui, par contre, effacé. Mais pas tout de suite. Il restera encore quelques semaines, donc il vous reste donc Cyril, quelques semaines pour l'admirer. N'hésitez pas, si vous aimez la chose, allez faire un tour. Pourquoi on garde l'un et pas l'autre? On a l'explication ou pas? On sait pas encore. Bah, c'est les différents collèges communaux qui ont décidé, voilà. Voilà, d'accord, parce que c'est spécial, pourquoi pas. Voilà. Merci, vous aimez. Il y en a qui trouvent ça beau, d'autres qui ne trouvent pas ça beau. Et votre avis, vous l'avez trouvé beau ce dessin? Moi, je peux pas donner mon avis. Mais vous aimez pas? Ah non, vous allez pas me cuisiner quand même. Non, je ne peux rien dire. Vous voudriez la même chose chez vous ou pas? C'est... Dans mon salon? Sur votre façade. Sur ma façade. Oh là là, vous êtes vraiment difficile. Hein. Ça veut dire que il aimerait bien, mais il n'ose pas le dire. Merci Simon, on vous retrouve tout à l'heure à 17h30. On part sur les routes tout de suite. C'est le RTBF Mobile Info, c'est avec Antoine Binamé. Bonjour. Bonjour. Eh bien, on a un camion signalé en panne sur le 411 Luxembourg-Namur entre Arlon et Abbé, bande de droite et d'arrêt d'urgence neutralisé en direction de Namur. Accident qui implique deux camions sur le 429 Halle-Tournay. La chaussée est dégagée, c'est-à-dire que les camions sont en bande d'arrêt d'urgence à hauteur de Petit Anguien, mais on signale les traces d'huile sur la chaussée en direction de Tournay et des ralentissements sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure. Zaventem-Grand-Bigard comptait 45 minutes supplémentaires et 30 minutes perdues en intérieur entre Zaventem et le carrefour Léonard. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Vous souhaitez garder de l'argent pour vos enfants ou pour cette ville-là dont vous rêvez tant? Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décidez-d'investir. De 17h à 19h sur Vivacité, 5 à 7 avec Cyril. Bienvenue dans ce 5 à 7, on va parler de choses bizarres. On termine le journal avec le fameux pénis de Saint-Gilles. Mais on va parler tout à l'heure avant 18h d'un chat mort. Oui, mais pas n'importe lequel. Un chat mort transformé en sac à main. Ça existe, c'est une taxidermiste qui l'a fait. On y reviendra tout à l'heure. La photo est sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Ça, Simon, vous pouvez dire si vous aimez un sac à main en chat ou pas? Non, ça j'aime pas. Ça vous n'aimez pas. C'est très particulier, le concept est spécial. Un taxidermiste sera l'invité tout à l'heure du 5 à 7 pour essayer de voir plus clair dans cette histoire. Est-ce que c'est une nouvelle mode? Je ne sais pas. Un sac à main en chat, non. Un sac à main en chien, pourquoi pas? Ah, j'ai eu peur. Je pensais que vous alliez dire autre chose. Non. Ah, quel esprit mal tourné. Allez faire un tour sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Pour vous faire votre avis, on en parle tout à l'heure dans le 5 à 7. À propos d'animaux, bon ben on revient au sujet, j'y suis pour rien. C'est dans l'actu aujourd'hui, il y a une araignée qui se retrouvait dans des bananes. Je vous raconterai l'histoire au complet tout à l'heure. Mais c'est une araignée dangereuse. Et si elle vous mord, cette araignée, vous pouvez avoir un problème physique. C'est-à-dire que vous respirez mal, vous êtes un peu asphyxié. Mais t'es de rigoler Simon, c'est une vraie info. Vous pouvez aussi avoir une érection qui dure 4 heures. Voilà, je vous le dis, c'est vrai, c'est pas du tout une blague. C'est une vraie info. Alors, est-ce que cette araignée a été trouvée dans des bananes en Belgique ou pas? Je vous dirai tout à l'heure si vous devez vous inquiéter ou si vous pouvez manger des bananes très sereinement. Tout ça est vrai, bien sûr. On s'intéressera à des statistiques qui ont été publiées aujourd'hui concernant les déménagements. On sait que déménager, c'est compliqué, il faut faire les cartons et tout ça. Mais justement, combien de cartons on utilise en Belgique pour un déménagement? Combien de bières on boit avec les copains pendant un déménagement? Combien d'allers-retours on fait? Comment on remercie les copains? Et bien tout ça, c'est dans une étude qui a été publiée aujourd'hui. On en parle tout à l'heure dans le 5 à 7. Et dans un instant, on revient sur une ado qui a décidé de lancer une application. Le concept, ne plus manger seul à la cantine de l'école. On y revient dans quelques minutes. Et alors, je vous parlais de Kazé. Kazé, ce youtubeur qui a pris l'avion, une ligne d'Emirates. Il prenait l'avion tranquillement. Et puis là, juste avant d'embarquer, on lui dit, ben monsieur, vous êtes upgradé. Vous allez pouvoir faire le vol en première classe. Alors le vol, il l'a pas payé forcément, alors il a payé le prix normal, mais le vol est estimé à plus de 20 000 euros pour quelques heures d'avion, c'est énorme. Et à l'intérieur, il y a des gadgets de fou, il y a un mini bar, il y a des portes coulissantes automatiques, il a une télé avec écran tactile, et il peut se mettre entièrement dans le noir, il est tout seul, voilà, c'est une cabine privée dans cet avion, ça c'est du luxe, ça c'est du confort. Justement à ce propos, quel est le petit élément de confort que vous aimeriez bien avoir à la maison? Un petit truc en plus, à la maison, dans la voiture, n'importe où, au travail aussi. Le

positif parce qu'il a besoin de réfléchir, de se couper un peu du bruit des autres. Même si on est petit, on peut avoir sa bulle, quoi. On peut être dans son univers. Absolument, absolument, sans être malheureux pour autant. Bah, il y a aussi des ados qui sont très autosuffisants et qui méprisent un peu les autres. Hein. Puis il y en a qui sont fâchés, qui pendant tout un temps ne veulent plus rien avoir à faire avec les autres. Bon. Alors les raisons sont parfois, on peut dire aussi, de l'ordre du choix, mais un choix motivé par des émotions plus pénibles. Par exemple, l'ado anxieux qui a peur de l'agression, de l'humiliation par les autres, il va aussi, entre guillemets, choisir de rester seul. Celui qui est triste, qui a un coup de blues, bah, il va aussi s'isoler. Et puis, parfois, il n'y a pas de choix du tout. Il y a des ados qui sont tout seuls parce qu'on les exclut. J'aimerais bien avoir des copains avec eux, mais personne n'est là, quoi. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on les exclut ? Quand on étudie le harcèlement à l'école, on voit que parfois, il n'y a aucune raison, mais parfois, il y a une différence que les autres ne supportent pas. C'est vraiment la question de l'acceptation, de la tolérance par rapport aux différences. Parfois, les intellos qu'on exclut, hein, ou ceux qui sont un peu gros, toutes sortes de choses comme ça, qui ont une autre couleur de peau, qui viennent d'ailleurs. Bon. Donc voilà, il ne faut pas se précipiter en disant que celui qui est tout seul, il est nécessairement malheureux et il attend une main tendue. Ceci dit, moi je trouve cette application très très sympathique. Hein, tout ce qu'on peut faire dans nos vies pour favoriser la communication positive entre nous, ben, je crois qu'entre autres, à l'essence de nos vies, c'est, nous sommes des êtres sociaux, c'est de nous parler, de nous rencontrer. Et donc bravo, bravo, mille fois bravo à cet ado. Il n'y a pas un risque de passer. On sait que les ados passent déjà beaucoup de temps sur leur téléphone, sur l'ordinateur. Ouais. C'est pas un risque, ça ? Ben, ici, il va y avoir des manipulations sur l'ordi, mais c'est pour se rencontrer in the real life. C'est pour se rencontrer concrètement. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Si c'est pour aller dans the real life après, ils peuvent. Oui, et vous savez, même la communication online, ce n'est pas négatif. Hein. Il y a bien des ados timides qui sont tout à fait aidés par les chats et ce qu'ils font sur le net en parlant aux autres. Donc voilà. Donc vous validez, on la télécharge. Oh, je la valide et ça nous change un peu de cette espèce de dolorisme en raison duquel on étiquette toujours les ados comme des êtres malfaisants, transgresseurs, négatifs. Bah, voilà. C'est pas si vrai que ça. En plus, là, c'est une idée d'une ado pour les ados. On valide. Merci, Jean-Yves Vaillé. Personne ne lui a soufflé à l'oreille. Bonne fin d'émission. Merci, à très bientôt. Pour la suite de 105 à 7, il y a des cadeaux qui vont arriver dans quelques minutes. Un vélo électrique à gagner cette semaine. Ne bougez pas, je vous dis tout dans un instant. L'image du jour avec Ophélie Fontana. On partira aux États-Unis encore une fois. Il y a une vidéo avec des stars qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui. C'est dans un instant. Et puis, on s'intéresse au sport. On va parler de reconversion de sportifs avec François Zaleski juste après ça. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Haut-Lieu Saint-Lambert, portes ouvertes ce dimanche de 14 à 17h dans notre bureau d'info, avenue des Îles d'Or à Haut-Lieu Saint-Lambert. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Je crois que nous devons envisager de vous retirer la direction de cette enquête. Est-ce que vous me connaissez ? Chaque tatouage est une clé. On m'a tatoué un couteau de boucher. Chaque clé conduit à un crime. Faites-la disparaître. Blindspot, 4 épisodes, ce jeudi. Sur la Une. Vous souhaitez vivre à Waterloo dans un appartement neuf, alliant confort moderne et proximité des commerces ? Venez découvrir les jardins de Wellington et ses appartements immédiatement disponibles, situés au 650 chaussée de Bruxelles. Remise exceptionnelle lors de la journée portes ouvertes ce dimanche 25 septembre de 10 à 17h. Plus d'infos à l'agence immobilière Trier Waterloo. Le nouveau Mercedes GLC Coupé, un SUV puissant aux allures de coupé, pour franchir les montagnes les plus élevées. Ou les cases vitesses dans votre rue. Pour traverser des paysages enneigés. Ou les flaques devant votre garage. Pour explorer les territoires les plus vastes. Ou le parking du supermarché. Le nouveau GLC Coupé. Pour tous les tours et détours. Découvrez-le lors des journées portes ouvertes du 22 au 25 septembre chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Vivacité La Une présente le Vaurire, le Festival international du rire de Liège, du 20 au 23 octobre. 4 jours, 14 salles, avec Valérie Lemercier, le Whoop, Benabar, Pascal Légitimus, Baptiste Le Caplin, Arnaud Samer et Renaud Rutten, Claudia Tagbo, les frères Taloche et beaucoup d'autres. Infos et réservations, vaurire.be. La semaine de la mobilité a lieu du 16 au 22 septembre avec pour thème « Partager la route, on s'y met tous ». Cette année, la Wallonie met le focus sur la combinaison de différents moyens de déplacement. À cette occasion, des familles mais aussi des communes, des écoles et des entreprises se lancent dans des défis mobilité. Pour suivre leurs expériences et découvrir l'actualité de la semaine de la mobilité, rendez-vous sur Vivacité. Partager la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Salut, c'est moi, Hip. Quand on trouve une grande variété de bons vins, on aime en garder en réserve, pas vrai? Rendez-vous vite dans votre hypermarché Carrefour et venez remplir votre cave pour en avoir toute l'année. Jusqu'à ce samedi, à l'achat de 24 bouteilles, recevez, bam, 20% de réduction. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Vivacité La Une présente l'Eneco Tour du 19 au 25 septembre. Qui succédera à Tim Wellens? Les contre-la-montre, les sprints bonification ou l'ascension du mur de Grammont seront-ils décisifs? Venez encourager vos favoris sur le parcours ou vivez l'Eneco Tour en direct sur La Une. L'Eneco Tour, le cyclisme en fête du 19 au 25 septembre. Il est 17h30, voici les titres de l'actualité avec Simon Gérard. Plusieurs syndicats policiers comptent déposer un préavis de grève. Des agents belges qui se font arrêter par des Français, ça ne peut plus se reproduire. Il faut des règles claires concernant le raccompagnement de migrants à la frontière. Koen Gaens, le ministre de la Justice, annonce un statut spécifique pour les victimes des attentats. De quoi offrir dédommagement et accompagnement médical. Les attentats de Bruxelles, c'était il y a 6 mois tout pile. Les experts sont venus exposer leurs travaux au procès Westphal. Un élément troublant, le visage de Véronique Piroton aurait été en contact intense avec un coussin. Bernard Westphal soutient que son ex-compagne s'est suicidée. Merci Simon. Prochain point sur l'actu, c'est à 18h. La météo, est-ce que ça va être bien ou pas, Dominique? Bien, demain, une zone pluvieuse affaiblie va traverser le pays. Donc, concrètement, ça va se traduire par un ciel fort nuageux avec tout au plus quelques gouttes très localement. Et les éclaircies finiront par reprendre le dessus. Maxima 17 à 20 degrés. Samedi, ça sera la meilleure journée du week-end. Ceci dit, il y a que 2 jours. Hein, donc, oui. C'est samedi. Soleil généreux et belle douceur. 19 à 23, voire 24 degrés. Dimanche, par contre, il faudra surveiller des averses, on va perdre un ou 2 degrés et le vent va se renforcer. Samedi on profite. Allez, c'est noté. 17h32 sur les routes. Comment ça se passe? C'est le RTBF Mobile Info. Antoine Binamé, des soucis à signaler? Toujours une circulation assez dense, oui, en circulation extérieure du ring de Bruxelles. Zaventem Grand Bigard, comptez une bonne quarantaine de minutes. 25 à 30 minutes perdues entre Zaventem et le carrefour Léonard. Pardon, ça c'est en circulation intérieure. Véhicule en panne sur la petite ceinture de Bruxelles dans le tunnel Porte de Halle. Soyez prudents puisque c'est la bande de gauche qui est neutralisée en direction de la basilique de Kuckelberg. Et puis toujours cette huile présente sur la chaussée, sur le 429, tournée à la hauteur de Petit Anguien. C'est en direction de Tournai. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h. 5 à 7. Est-ce que vous connaissez le chat camin? Le chat camin, c'est comme un sac à main, sauf que c'est avec un chat, un vrai chat. C'est une taxidermiste néo-zélandaise qui a lancé le concept. La photo est sur la page 5 à 7 via Cité RTBF. Allez voir si vous aimez ou pas. On y revient dans un instant avec un taxidermiste. Est-ce que ce genre de sac peut avoir un petit succès chez nous ou pas? La réponse dans quelques minutes. On parlera de sport aussi avec Françoise Aleski. On va parler de la reconversion des sportifs. Ben oui, c'est vrai, après avoir fait des efforts sur les terrains, ils font quoi après ces sportifs? On en parle dans quelques secondes. L'image du jour avant 18h avec Ophélie Fontana. Et puis cette histoire de Kazé. Kazé qui est youtubeur, il vit aux États-Unis. Il a pris un vol d'Emirates Airlines, il a pris un billet normal et puis il s'est retrouvé upgradé en première classe. Et là, il a posté une vidéo qui a été vue déjà plus de 8 millions de fois, où il montre tous les accessoires qu'il y a dans cette cabine d'avion où il est tout seul, et c'est clairement du luxe. Il y a tout ce qu'il faut pour être au paradis dans cet avion. Et ce soir, je vous pose cette question. Si vous pouviez avoir un petit truc de luxe chez vous, un petit élément de confort qui vous ferait du bien, ben vous me le dites par SMS au 3063 et sur la page Facebook 5 à 7 Viacité RTBF. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé un message en disant une tondeuse robot. C'est vrai, la tondeuse qui fait le boulot à votre place, c'est pas mal. Changer l'acoustique à la maison, les enfants crient trop. C'est sûr que dans la cabine de Kazé, dans son avion, là, on va vous mettre la vidéo sur la page Facebook de l'émission, il n'y a pas de bruit, il est vraiment bien tranquille. Un autre message de Catherine qui dit « Si je gagne au loto, je prends une chef italienne, une autre française, une asiatique, puis une marocaine, une végétarienne aussi. Comme ça, tous les jours, je rentre du boulot et je glisse mes jambes sous la table comme quand j'étais petite. » Catherine qui nous a envoyé ce message, merci pour votre SMS. 3063 pour continuer à réagir. Et vous, Dominique, un petit élément de luxe, de confort à la maison ou ailleurs d'ailleurs, ce serait quoi ? Eh bien moi, je rejoindrais un petit peu Catherine dans son idée d'avoir peut-être pas un cuisinier ou une cuisinière différente chaque jour, mais peut-être quelqu'un qui fait à manger pour voilà, vous. Voilà, un bon repas sain, équilibré. Sans se prendre la tête. Se tracasser, surtout pas faire les courses. Bon, bah, si vous êtes candidat, vous pouvez écrire. Et voilà, on pourrait se mettre d'accord avec Catherine, lancer ce genre de service. Ah bah oui. Un cuisinier pour les gens qui rentrent tard du boulot. Et bah, d'un SMS, on va lancer un business ici. Je pense. Mais ceci dit, à part ça, moi, je reste vraiment à rêver devant cette première classe d'Emirates. C'est magnifique, hein. Ceci dit, le YouTuber, il a vérifié le prix de ce que ça lui aurait coûté s'il avait dû sortir ça de sa poche. 21 000 dollars quand même pour ce vol entre Dubaï et New York en première classe. Mais il y a même des portes à la cabine. Il y a une salle de bain énorme. Enfin, bon, vrai, c'est vraiment du luxe. Oui, c'est et alors, c'est là que j'en viens à mon idée. Moi, ce qui me plairait bien, c'est de faire une émission de radio dans un avion, mais en vol, dans ce genre d'espace luxueux, évidemment. Je trouve que ce serait plutôt pas mal. Europe 1 l'avait déjà fait au moment de la sortie de l'Airbus A380. Ben, Laurent Ruquier avait emmené tous ses chroniqueurs et des auditeurs. Et vous savez quoi ? Je m'étais inscrite pour participer. C'est pas vrai. C'était un tirage au sort, mais je n'ai pas été tirée au sort pour participer à ce vol entre Paris et New York. Et faire en même temps une émission radio. Avant la fin de l'émission, on appelle le patron et on négocie ça avec lui. D'accord. Faire une émission. Ouais, on négocie. Ça on l'appelle Bruxelles-New York. C'est en business. Alors Bruxelles-New York, je ne sais pas, mais en tout cas, on appelle le patron, c'est promis. Avant la fin de l'émission, on appelle le boss et on essaie de négocier ça en direct. Et on vous emmène, vous qui êtes de l'autre côté de la radio, avec nous pour y aller. Si ça passe, c'est cool. On essaie. On tente. Eh ben, on l'appelle tout à l'heure, c'est promis. Il est 17h36. Vous avez remboursé votre maison et maintenant vous vous demandez que faire de votre argent. Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. Et la suggestion de ce soir, la lasagne royale. Excellent, Marc. Chérie, ce soir, c'est Marco. Oh, si. Réservez un moment rien que pour vous avec Come a Casa Delicious. Trois délicieux plats italiens pleins d'ingrédients frais à réchauffer au four. Découvrez aussi les raviolis di mare et les farfalles pancetta formaggio. Des nouveautés signées Come a Casa. Apportez un peu de chaleur. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Biome pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas, ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Pas pour les canapés. À Biome, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. En ce moment, condition automne à moins 30%. À Biome, fenêtres, portes, vérandas. À biome.be. Action spéciale automne en carrelage et sanitaire. Il est temps de se faire plaisir avec des collections à tout petit budget au carrelage Salvatore Vilvoorde et Rossin-Genèse. .be. Tu sais, chez Abiome... Oui, je sais, dommage qu'Abiome ne fasse que des châssis. Oui, mais en ce moment, ils font des conditions à moins 30%. Abiome. Fenêtres, portes, véranda. Abiome.be. Dis, tu cherches toujours un logement durable dans le coin ? Ouais, et abordable surtout. Mais tu connais les quartiers Matexi ? Non. Eh bien, surfe un peu sur matexi.be, tiens. Ah, oui. Voilà, tape le code postal. Voilà. Et tu as tous leurs quartiers à proximité. Ah ouais, c'est pas mal. Ben oui, Matexi, c'est chaque fois des maisons et appartements durables dans des quartiers agréables de Wallonie et de Bruxelles qui t'offrent plus pour ton budget. Wow. Et ils ont 70 ans d'expérience et ça se sent tout de suite. Mais pourquoi tu me montres tout ça ? Ben, ça me ferait plaisir de t'avoir comme voisin. Matexi, bienvenue chez vous. Construction Perfection Habitat. Week-end portes ouvertes, c'est 24 et 25 septembre. Découvrez une nouvelle maison Perfection Habitat, rue Joseph Wauters, à Crisney. Construction Perfection Habitat. Une exclusivité, Étienne Piron. Le 5 à 7 de Vivacité continue dans quelques instants. Bientôt à Anderlecht, préparez-vous à acheter moins cher toute l'année. Mais comment font-ils ? Découvrez-le sur electrodepot.be. Electro. Dépôt. 17h-19h, 5 à 7 sur Vivacité. Et on parle de sport tous les soirs dans le 5 à 7, c'est François Zaleski qui est là. Bonsoir François. Bonsoir Cyril. Et aujourd'hui François, avec vous, on va parler de la reconversion des sportifs. Bah oui, exactement, et si on en parle, c'est parce que Tyson Gay a décidé d'arrêter le sprint pour se lancer dans le bobsleigh. Il devait même participer au championnat des États-Unis parce qu'il rêve maintenant d'intégrer l'équipe nationale américaine de bobsleigh, mais il a dû repousser ses débuts à cause de son inexpérience. Comme quoi, bah, se reconvertir, c'est pas toujours chose aisée Cyril, même quand on est naturellement très doué en sport, ce qui est son évidemment. Et ouais, mais est-ce qu'il a une chance d'y arriver quand même ? Mais l'avenir va nous le dire, hein, certainement, mais moi j'ai pas vraiment de doute là-dessus, parce qu'en fait, même si ce n'est pas évident quand on y pense comme ça, les deux disciplines sont complémentaires, Tyson Gay veut en fait devenir pousseur, et le rôle du pousseur en bobsleigh, c'est, bah, à votre avis, c'est quoi le rôle du pousseur ? A priori, pousser. Tout simplement, et c'est bien vu, puisque c'est ça qu'il doit faire le pousseur, c'est là que les qualités de sprinter de Tyson Gay peuvent s'exprimer à la perfection, puisque le pousseur doit en fait donner un maximum de vitesse au bob pour le lancer idéalement, pour donner une impulsion, et un spécialiste du sprint, ça fait donc parfaitement l'affaire pour faire un bon pousseur. Bon bah on verra s'il est bon pousseur. Est-ce que déjà c'était un bon sprinter ce Tyson Gay ? Un excellent sprinter même, il a été triple champion du monde en 2007, mais surtout sur 100 mètres c'est là qu'il était le plus fort. Il détient d'ailleurs la deuxième meilleure performance de tous les temps sur cette distance, en 9 secondes 69 centièmes, à égalité avec le Jamaïcain Yohan Blake. Il y a un autre Jamaïcain qui a fait mieux, vous savez ça, c'est Usain Bolt, ouais. Tenant du record du monde, 9 secondes 58 centièmes pour Bolt. Ouais, donc enfin lui il est déjà pas mal quand même. Et des reconversions dans ce genre, un peu original, parce que passer du sprint au bobsleigh, c'est pas tous les jours non plus. Il y en a d'autres ? Bah oui, oui, oui, il y en a évidemment beaucoup, et certaines sont plus originales que d'autres, que celle de Tyson Gay, c'est vrai. On a d'abord cherché chez les footballeurs, ils ont généralement beaucoup d'imagination dans ce domaine. Prenez l'exemple de Tim Wiese, c'est un gardien de football, il n'est pas très connu, c'est un Allemand. Lui, il s'est retrouvé sans club récemment et il a décidé de se lancer dans la musculation de manière très intensive. Résultat de tout ça, c'est qu'en plus de remplir la manche de son t-shirt, il a été contacté par la célèbre WWE, c'est donc la ligue qui s'occupe du catch aux États-Unis. Il y aura donc un ancien joueur de foot sur les rings de catch bientôt. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est dans le sport, qu'on se reconvertit, on reste dans le domaine du sport ? Pas tout le temps, hein, évidemment. Si vous prenez l'exemple de Yaya Touré, le milieu de terrain ivoirien de Manchester City, il joue encore, lui, pour l'instant, mais il a déjà programmé, on va dire, sa reconversion. Il envisage de se consacrer à la religion. Il veut devenir imam. C'est vrai que c'est pas courant, hein, un ancien sportif qui devient imam. On verra bien s'il réalise ses projets plus tard. Sinon, l'histoire de Christophe Robert, elle est assez marrante. Est-ce que vous connaissez Christophe Robert, d'abord ? Ah ben, non. Mais c'est normal, il n'est pas super connu, c'est un ancien joueur de football français, et lui après sa carrière il est devenu inventeur. Alors si vous êtes amateur de barbecue, vous le connaissez peut-être, en tout cas vous connaissez son invention phare, c'est l'inévitable pique saucisse qui permet de piquer 6 saucisses à la fois. Et oui, j'ai bien dit 6 saucisses, vous avez bien entendu. Quel homme, un dieu. Et donc Christophe Robert, il a fait breveter son invention, ça aurait été dommage que quelqu'un d'autre s'attribue ses mérites. Sinon il y a des reconversions un peu plus sérieuses quand même. Le roi Pelé, lui il s'est lancé dans la politique, il a été ministre des sports du Brésil, vous savez ça. La politique, c'est d'ailleurs une reconversion assez courue chez les sportifs quand on regarde. En France, notamment, il y a eu Jean-François Lamour, Bernard Laporte ou David Douillet, pour ne citer que. Et puis, chez nous aussi, vous en souvenez, si je vous dis sénateur et footballeur, vous pensez à qui ? Sénateur et footballeur ? Il s'est assis sur le banc des Diables Rouges. Marc ? Oui, Marc. Ben oui, l'ancien sénateur, il était sénateur pendant 2 ans. C'est peut-être pas la période dont on se souvient le plus quand on pense à Marc Wilmots, mais il a fait de la politique, ouais. Ah bah ok, bah c'est bien de le rappeler. Pourquoi il faut des reconversions du genre ? Bon, bah, c'est vrai qu'ils doivent penser à leur avenir, hein, les sportifs, et donc pour certains, c'est simplement la raison financière, parce qu'on le dit souvent, mais une carrière de sportif, vous savez que c'est court par définition, ça peut s'arrêter en plus de façon totalement imprévue à cause d'une blessure, par exemple, et tout le monde n'arrive pas à mettre suffisamment d'argent de côté pour ne plus avoir besoin de travailler. On sait que les footballeurs gagnent beaucoup, mais c'est pas le cas de tout le monde. D'autres le font aussi pour occuper leur journée, c'est assez logique. Un sportif de haut niveau à la retraite, il ne s'entraîne plus, il ne court plus, il ne concourt plus, alors que ça occupait quand même pas mal de son temps et de son esprit jusque-là. Donc voilà, une fois qu'il reprend sa retraite, il doit trouver autre chose à faire, tout simplement. Et j'imagine que tous les sportifs réussissent pas très bien leur reconversion. Non, mais c'est vrai que ça se comprend assez facilement. Il y a pas mal de sportifs d'abord qui ont dû interrompre leurs études pour se consacrer à leur sport, et une fois que leur carrière est finie, ça leur ferme pas mal de portes aussi. Donc beaucoup d'entre eux, beaucoup de sportifs de haut niveau en tout cas, font des dépressions quand ils ont fini leur carrière. Vous savez ce que c'est, avoir été dans la lumière et puis passer dans l'ombre, c'est pas simple, et les reconversions ne sont pas réussies tout le temps. La reconversion l'alimentation, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère et qu'il faut souvent préparer longtemps à l'avance. C'est pour ça qu'on dit souvent que leur futur aux sportifs, il se décide au présent. Eh ben merci François pour toutes ces explications. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal des sports, on fait ça ? On fait comme ça Cyril, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. 5 à 7. Ce soir dans le 5 à 7, je vous ai promis de vous parler de cette histoire un peu dingue. C'est l'ADH qui nous raconte ça. Une taxidermiste néo-zélandaise qui s'appelle Claire Hobbs a décidé de faire quelque chose de particulier. Alors la taxidermie, vous savez, c'est les animaux morts qui sont, alors je vais dire vulgairement empaillés, mais on va en parler tout de suite avec David Delforge. Vous êtes justement taxidermiste du côté de Gèves, chez nous en Belgique. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant d'aller plus loin sur cette histoire de Claire Hobbs, la taxidermie, en quelques mots, c'est quoi exactement ? La taxidermie, c'est, vous avez employé le terme d'empaillage, oui. Et effectivement, historiquement, on empaillait des animaux, donc on bourrait de la paille dans une peau, et actuellement, la technique a changé, il s'agit plutôt de refaire à partir de la peau d'un animal une sculpture qui va être habillée par cette même peau et rendre la vie, si on veut, à cet animal. Et du coup, on met quoi à l'intérieur maintenant ? Maintenant, c'est une mousse polymère. Ah oui, d'accord, ok. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de fort différent de ce que vous faites, du coup, avec les animaux que vous avez peut-être chez vous, puisque elle a ramassé en 2009 un chat mort au bord de la route, elle l'a mis dans un congélateur, et voilà que quelques années plus tard, elle a décidé maintenant de le transformer, ce chat, et de le transformer en sac à main. C'est plutôt particulier, on vous met la photo sur la page 5 à 7 du Vivacité RTBF. Est-ce que c'est de la taxidermie, ça, de transformer un chat en sac à main ? Alors, on voit son corps, on voit sa tête même, c'est assez particulier. Alors, pour moi, ça va être la limite entre l'art et la taxidermie. La taxidermie, c'est de l'artisanat. L'art permet des créations farfelues du style de ce sac ou du drone qui a été fait il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, le drone chat, oui. Oui, c'est ça, voilà. La taxidermie, normalement, est quand même relativement plus sérieuse et en tout cas, peut-être plus respectueuse de l'animal mort. Vous avez des règles à suivre ? Par exemple, ça, vous pourriez le faire, vous, si quelqu'un le demande ? La déontologie est plutôt personnelle dans ce métier, mais il y a, comment dire, une espèce de sens commun chez le taxidermiste qui va probablement l'empêcher, en tout cas, de ridiculiser un animal. Alors, on verra ici si cette mode fonctionne, parce qu'il faut quand même oser porter le chat, même si c'est comme sac à main, c'est assez particulier comme idée. Allez voir sur la page 5 à 7 du Vivacité RTBF. Vous faites des animaux domestiques, c'est quelque chose qu'on peut faire, d'empailler, de transformer son chat, son chien, pour qu'il reste un petit peu avec nous ? Ça a été une mode il y a quelques années. Beaucoup de gens avaient gardé leur animal empaillé de cette manière-là. Maintenant, ouais. C'est excessivement difficile à faire. Il y a un attachement émotionnel qui est terrible par rapport à un chien, à un chat. Et de plus, le regard d'un animal que la personne a connu pendant des années est excessivement difficile à rendre. Donc c'est quelque chose qui se fait de moins en moins. Je ne vais pas dire que ça ne se fait plus, mais ça devient très très rare. Qui est client d'un taxidermiste ? Qui vous commande des animaux ? Alors la clientèle d'un taxidermiste, c'est essentiellement le milieu de la chasse et les musées, le milieu du cinéma, de la publicité et quelque part de l'art aussi. D'accord. Et quand on est dans l'atelier d'un taxidermiste, petite question pratique, mais ça sent la vieille bête morte ou pas ? C'est une question qu'on me pose souvent. Et ben, en fait, non, parce qu'on travaille essentiellement avec des peaux tannées. Donc ça on ne vous apporte pas la dépouille comme ça, quoi, c'est ça ? Non. C'est pas vous qui videz la bête ? Très rarement, très rarement. C'est des peaux qui peuvent venir des quatre coins du monde, mais qui arrivent généralement salées et séchées, donc elles n'ont plus d'odeur. Pour ce qui est des animaux qui arrivent frais, là oui, il y a une étape de dépeçage qui est indispensable, mais ça sent moins qu'on pourrait le penser. Et comment est-ce qu'on devient taxidermiste ? Il y a des écoles ? Il y a une formation ? Alors en Europe, il existe des écoles. Il existe une école française, il y a au moins deux écoles allemandes. Mais il existe des cours plus spécifiques qui se donnent aux États-Unis par exemple ou en Russie. Et il faut avoir un attrait pour l'anatomie, pour la morphologie et un attrait pour les animaux. Mais après, on peut devenir taxidermiste, c'est pas une profession qui est protégée. Ouais. Mais ça, c'est un métier passion, donc il faut réellement être passionné pour en faire son métier. Et bon, en tout cas, merci beaucoup David Delforge pour toutes ces explications. On en sait un petit peu plus du coup sur ce métier. Et alors, donc le sac, vous ne l'achèterez pas. Je note que c'est pas de votre goût. Non, c'est ça. Merci beaucoup David. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Merci, au revoir. Dans un instant, c'est l'image du jour qui arrive au Félix Fontana, comme tous les soirs, dans le 5 à 7 sera là. Et puis le cactus de Jérôme de Warzé avant 18h. Et tout à l'heure, c'est promis, on appellera le patron. Dominique a une idée tout à l'heure. Si on vous emmenait faire une émission dans un avion, on va appeler le patron en direct dans quelques minutes pour avoir son avis. Et on va essayer qu'il nous dise oui, vous partez en vacances avec nous. Bonjour, je suis Donald Muil. Depuis 35 ans, chaque cuisine de vie est conçue comme je le ferais pour moi. Donc, je choisis toujours la meilleure qualité. Par exemple, pour la finition de nos armoires, je n'utilise pas de mélamine, mais bien du stratifié très solide. Avec de vie, vous choisissez une cuisine belge sur mesure et pour le meilleur prix. Cuisine de vie fête ses 36 ans avec 36 journées folles. Maintenant, lave-vaisselle gratuit, tac à induction plus casserole assortie en cadeau. Conditions sur dovi.com. Nous créons votre cuisine. On n'est pas des pigeons. Vous non plus ? On va s'entendre. Demain, dès 11h, sur Vivacité. En septembre, ça va bouger dans les sous-sols bruxellois. Musiciens, danseurs ou créateurs, les artistes s'emparent des stations de la STIB à l'occasion de Wonderground. Wonderground. Wonderground, le festival des arts pour les 40 ans du métro, du 16 au 25 septembre. Plus d'infos sur stib.be. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Pendant les Audi Days, vous allez être surpris. Surpris par les conditions exceptionnelles sur l'Audi A1. Surpris par son tempérament et son agilité en ville. Et surpris par la technologie unique PJR, qui signifie « Pince-moi, je rêve ». Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi A1 Limited Edition à partir de 13 990 euros ou 129 euros par mois en personal lease. Infos et conditions sur audi.be et chez votre distributeur Audi. Vivacité présente. Commissaire Trafic, comment ça se passe sur la route? Alors vous perdez 3 jours sur la E421 et des ravitaillements en eau sont prévus pour les automobilistes bloqués sur la E124. Pourquoi perdre son temps dans les bouchons? Optez pour le covoiturage, le train, le bus ou le vélo. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Une initiative de la Wallonie. Semainemob.be. On est toujours gagnant chez Intermarché. Et plus encore, c'est samedi 24 septembre. Pour la journée du client, nous vous offrons un livre de recettes et nous doublons les euros reversés sur votre carte de fidélité. Wow. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés. Horaire en magasin. 5 à 7. Dans un instant, c'est le cactus de Jérôme de Warzé qui arrive sur Vivacité. Mais avant, c'est le rendez-vous quotidien avec Ophélie Fontana. Bonsoir Ophélie. Bonsoir. On parle de l'image du jour avec vous, Ophélie. Mais l'image oui. du jour, c'est une vidéo même. Alors, c'est plusieurs images, donc. Voilà, exactement. Fort, des images mises les unes à la côté des autres. Vous devriez faire de la télé hein, plutôt que de la radio, ah, vous avez déjà tout compris. Vais y penser. Voilà, donc vidéo avec des stars. Imaginez Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Julianne Moore, Martin Sheen. Donc voilà, Martin Sheen, voilà, sont des acteurs Martin, assez... Martin, si vous voulez, ça passe. Martin, voilà. Ben voilà. Ouais. Des acteurs assez connus. Que font-ils dans cette vidéo? Eh bien, pour une fois, ils jouent leur propre rôle, c'est-à-dire qu'ils s'adressent en tant que citoyens américains aux autres citoyens américain. C'est en quelque sorte une vidéo politique. Qu'est-ce qu'ils font, ces acteurs? Ils se mêlent parmi des anonymes, parmi d'autres citoyens, et ils incitent tous les Américains à aller voter et surtout à s'inscrire, puisque là-bas, outre-Atlantique, ce n'est pas comme chez nous, le vote n'est pas obligatoire, et donc il faut s'inscrire pour aller voter. Ça, c'est le premier message qu'ils diffusent. Et il y en a un deuxième, c'est de voter contre Donald Trump, et ah donc ouais pour Hillary Clinton. Et donc, ils font ça sur quel ton? C'est de l'humour ou bien c'est vraiment un message? Ah non, non, pas du tout. Donc à la base, c'est l'initiative d'un comité d'action politique, donc c'est quelque chose de très sérieux. Au départ, c'est une vidéo assez classique. On voit des gens les uns après les autres, des stars et ces citoyens qui s'adressent, qui font passer leur message. Et ils insistent souvent sur le mot « important ». Donc on a vraiment des successions de personnes qui redisent la même phrase avec « important ». C'est important de « c'est important ». Donc c'est presque un moment un peu menaçant, mais ah oui, gentiment. Et on a l'impression qu'ils essayent vraiment de convaincre, à force de répéter les mêmes mots, de convaincre les citoyens du moment important, du moment historique auquel ils vont être confrontés. Et donc c'est très important de s'engager, de faire cet engagement citoyen électoral. Donc c'est vraiment un plaidoyer pour faire barrage contre Donald Trump. Et il cite pas mal d'arguments à l'appui, d'exemples pour vraiment faire réagir les citoyens américains, de se dire, ben voilà, si vous n'allez pas voter, si en plus vous ne votez pas pour Hillary Clinton, eh bien c'est très grave ce qui va vous arriver. C'est un peu ça le message. Ouh, ça fait peur, quand dit comme ça, c'est très inquiétant. Mais c'est vrai que c'est assez menaçant, et ça dure environ 3 minutes, et c'est vrai qu'en insistant sur les mots, je pense que le but, voilà, c'est vraiment d'insister, d'enfoncer le clou et de faire réfléchir les gens. Alors, des stars qui s'enchaînent comme ça dans une vidéo, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément chez nous. C'est très américain, ça, ce soutien de stars dans la politique. Oui, c'est vrai. Il suffit de reprendre, par exemple, la dernière campagne électorale avant celle-ci avec Barack Obama, par exemple. Il avait eu le soutien de la chanteuse Beyoncé. Donc voilà, c'est vrai qu'aux États-Unis, d'année en année, on voit les stars qui soutiennent les candidats. C'est devenu un peu tendance aussi en France. Pas du tout chez nous, mais c'est vrai qu'en France, lors de la dernière campagne, on a vu notamment Nicolas Sarkozy qui avait le soutien, par exemple, de Johnny Hallyday, pour ne citer que lui. Ouais. Dans le camp de François Hollande, il avait le soutien de Yannick Noah. Donc cette mode des stars qui font entre guillemets de la politique, elle a commencé aussi à franchir l'Atlantique. Là, avec toutes ces stars qui sont contre lui et plein de personnes moins connues, Trump, il est un peu seul contre tous dans ces élections. Ouais, c'est un peu ça. Il y a quand même, heureusement pour lui, j'ai envie de dire, quelques stars qu'il soutiennent, mais bon, ce ne sont pas n'importe qui non plus. C'est Mike Tyson, qui est plutôt violent, ancien boxeur. Ouais. J'imagine que vous voyez qui c'est. Jean-Marie Le Pen aussi. Le mangeur d'oreilles. Jean-Marie Le Pen, je ne sais pas si c'est forcément bien de l'avoir parmi ses soutiens. Donc voilà, il y a quand même quelques soutiens, mais c'est vrai que ce n'est pas gagné. Et puis même dans son propre parti, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des gens aussi qui disent qu'ils ne vont pas voter pour lui, mais qui voteront pour le candidat de l'autre parti. C'est le cas de George Bush père, lui-même ancien président. Il est pourtant républicain, mais il a dit qu'il voterait pour Hillary Clinton. Donc c'est dire que quand même, c'est un peu mal barré. Mais bon, voilà, c'est un vote et on n'est pas à l'abri d'une surprise. Eh ben, on suivra tout ça de près sur Vivacité, en tout cas. Merci beaucoup, sûr, Ophélie. À demain et à tout à l'heure dans le 15 minutes sur les deux. Voici le cactus de Jérôme de Warzey. Jérôme, l'actualité de ce matin est centrée comme les autres jours sur la même affaire, c'est le cactus. Oui, bonjour, une d'Anderlecht à le mâle, à le femelle, à le, tous les autres. Vous le savez, l'actualité de ces derniers jours ne tourne plus qu'autour d'une seule personne. Et j'aimerais ce matin manifester un peu d'empathie envers cet homme traîné dans la boue par la presse, accusé de tous les maux, sujet à des accès de colère, traité d'alcoolique et dont la relation avec son époux se termine tragiquement devant les tribunaux. Alors, je voudrais lui apporter mon soutien et lui dire « Courage, Brad Pitt enfin, !» Mais non, mais je pense à autre chose. Mais le respect et la dignité ont-ils un sens pour vous, David Jean Motte? Oui. Angelina et Brad, le couple phare et emblématique de la dernière décennie, après celui formé par Caroline Fontenot et Stéphane Powells, bien sûr, vient donc de voler en éclats, laissant l'acteur emblématique dans le désarroi le plus total. Lui qui, depuis la mastectomie de son épouse, ne savait déjà plus à quel sein se vouer. Si l'on ne connaît pas exactement les causes du divorce, il est quand même étonnant de relever que l'annonce intervient au moment précis où François Hollande est aux États-Unis. À l'heure actuelle, rien ne permet de donner corps à cette folle rumeur, mais plusieurs témoins ont affirmé avoir vu quelqu'un rentrer dans la propriété d'Angelina Jolie en Vespa et casqué. Et en ressortir, la cravate de travers, les lunettes embuées, un homme de gauche, qui a prononcé ces mots en direction de la fenêtre de la chambre d'Angelina. Merci pour ce moment. Il est dans tous les coups, hein, Hollande. Interrogé par la presse, Brad Pitt a simplement déclaré qu'il s'en tamponnait le cotillard. Angelina Jolie désire la garde exclusive des enfants. Sans doute Brad va-t-il la lui accorder. Ça ne doit pas être facile tous les jours d'élever la moitié de la population du Malawi. Sans transition aucune, Bernard Westphal, Bernard Westphal qui s'est plaint d'avoir été jugé d'avance par la presse et qui tente dès lors de prouver son innocence. Il n'a reçu jusqu'à présent le soutien que d'une seule personne, Bertrand C., chanteur rock. L'ancien député n'est manifestement pas homme à retenir les leçons du passé. Rappelons-nous qu'il avait échoué à prendre la présidence d'Écolo en y instaurant une tripartite. Décidément, ce concept de ménage à trois ne lui sourit guère non plus dans sa vie. Vraiment. Hier, tout le monde s'est étonné d'apprendre que Bernard Westphal avait un QI de 83. C'est sans doute ce que l'on appelle dans le jargon judiciaire la présomption d'innocent. Voyez. Une question fondamentale dès lors se pose, comment peut-on devenir député avec un QI équivalent à celui de l'entièreté de l'équipe de Touche pas à mon poste. Ministre ou secrétaire d'État, oui, évidemment, bien sûr, les exemples foisonnent, c'est la règle, mais député, on surveille votre travail quand même. Certes, les exceptions sont monnaie courante. Je rappelle qu'avec un chiffre sans doute légèrement inférieur, on peut aussi terminer avec une couronne sur la tête et repeupler la Belgique en chevauchant celle-là même qui a tout tenté pour vous apprendre apprendre à parler. En résumé, tiens, il y a un malaise. En résumé, il ne faut donc pas spécialement être compétent pour réussir. Vous pouvez toujours envoyer votre candidature pour devenir chef de parti chez Écolo. Alors ne comptez pas sur moi pour dénigrer Écolo. J'avais postulé en son temps chez les Ah bon, ah je bon croyais, petite surprise. Ah, je croyais à l'Écotax. Au jus de goyave bio. À Isabelle Durand. Mais ils avaient refusé mon adhésion. Parce que j'avais des... Comment appelle-t-on ça? Des idées, voilà. Ah là là. Violence aveugle encore et toujours pour clôturer ce cactus. 11 personnes ont été bousculées, battues et humiliées hier en province d'Anvers par une bande de jeunes qui les ont attaqués par surprise. Ils n'ont d'ailleurs pas opposé la moindre résistance. Le Standard ne reconduira donc pas son titre en croquis-queue. Vous avez raison de terminer par un hommage au Standard. Je pense que c'était des faits. Voilà, qui en a bien besoin. Faites une baise aux Liégeois ce matin. Alors faites une baise d'abord. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, Denji Electrabel. Quel temps va-t-il faire, Dominique ? Demain, des nuages, quelques gouttes, mais surtout des éclaircies. Maxima, 17 à 20 degrés. Dans un instant, dans le 5 à 7, juste après le journal, on appelle le patron. Dominique a une idée. Si vous partiez en vacances avec nous et qu'on faisait une émission dans un avion, on va lui demander en direct dans un instant. Il y aura des cadeaux à gagner aussi. Et puis une invitée, avant la fin de cette émission, Virginie Efira sera en direct dans le 5 à 7 de Vivacité. Salut, c'est moi, Hip. Quand on trouve une grande variété de bons vins, on aime en garder en réserve, pas vrai? Rendez-vous vite dans votre hypermarché Carrefour et venez remplir votre cave pour en avoir toute l'année. Jusqu'à ce samedi, à l'achat de 24 bouteilles, recevez, bam, 20% de réduction. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Vous écoutez Vivacité, il est 18h. Ils n'ont pas regardé les photos de l'autopsie, ni Bernard Westphal, ni la famille de Véronique Pirotton. L'autopsie qui conclut, la victime a peut-être été étouffée avec un oreiller, mais rien ne permet d'être formel. Elle venait de sortir du métro et cela lui a sauvé la vie. Il y a tout juste 6 mois, le 22 mars, Marie était à Malbec. Sortie vivante, elle est gravement blessée, elle nous parlera de ses doutes sur sa vie future. C'est un petit incident. Le ministre de l'Intérieur adoucit la bisbrouille diplomatique entre la France et la Belgique. Des policiers belges sont entrés en France pour y ramener des illégaux. Séquence « J'oublie tout » en fin de journal. Une enquête internationale nous dira ce qu'oublient le plus les femmes. Promis, on ira à l'essentiel. En sport, pas de 7e match à domicile pour la Belgique en Coupe Davis. Il faudra se rendre en Allemagne. Journal sur Vivacité, c'est avec Delphine Heureux. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Un contact intense avec un oreiller sur le visage de la victime au procès de Bernard Westphal. Les explications aujourd'hui des experts en criminologie et il conclut, il y a eu un contact intense entre un oreiller et le visage de Véronique Pirotton peu avant sa mort. La victime pourrait donc avoir été étouffée. Pourrait. C'est une hypothèse, ce n'est pas une certitude. Fabrice Girard, vous avez assisté à l'audience. La bataille d'experts est en cours et pour le moment, elle est largement défavorable à Bernard Westphal. Oui, hein, sans aucun doute Delphine, en tout cas la journée est assurément difficile, extrêmement difficile pour l'accusé. Il y a d'abord eu, vous l'avez dit, les conclusions des experts de l'Institut National de Criminologie et de Criminalistique, selon lesquelles il y a bel et bien eu un contact intense entre un oreiller et la tête de Véronique Pirotton. Et puis il y a quelques minutes, c'était au tour du médecin légiste de remettre ses conclusions, et celles-ci sont très clairement défavorables à Bernard Westphal. Le médecin a constaté 35 lésions ou foyers hémorragiques récents sur le corps et à l'intérieur du corps de la victime. Le crâne, le visage, les lèvres, la langue, les poumons ou encore le foie sont touchés. Sa conclusion est sans appel. Véronique Pirotton est décédée d'une mort violente provoquée par un tiers. Et cette mort, eh bien, elle est due à une compression du cou et de la bouche ainsi qu'une obstruction de la bouche et du nez. Enfin, il précise également que les hématomes constatés sur les mains de Véronique Pirotton, eh bien, ils s'expliquent par sa tentative de se défendre contre une agression. Alors, dans le box des accusés, Bernard Westphal, on le voit, eh bien, il est dans les cordes et il compte désormais sur l'audition des contre-experts qui vient à peine de débuter maintenant pour accréditer sa version, celle d'un décès de Véronique Pirotton à cause d'un abus d'alcool et de médicaments. Merci Fabrice, en direct de la cour d'assises de Mons. 6 mois se sont passés. Les images des attentats de Bruxelles ne s'effacent et ne s'effaceront sans doute pas. Oui, 6 mois déjà et de nombreuses victimes reçoivent encore des soins quotidiennement. Parmi elles, Marie, 55 ans, elle se rendait à son travail en métro. Au moment de l'explosion à la station Malbec, elle venait de quitter la rame. Patrick Michel l'a rencontrée. Écoutez. Au moment de la déflagration, il y a un blast énorme qui fait qu'il y a une telle secousse cérébrale qu'on n'enregistre rien, ni son, ni lumière, ni le cerveau ne sait pas gérer toutes les sensations. Pendant quelques secondes, il y a rien. On ne savait pas quand on allait faire quelque chose, j'avais très très mal à l'œil, je ne voyais plus rien. Ils m'ont mis sur une chaise, encore pendant 3 quarts d'heure, où il y a des gens qui ont découpé mon pantalon pour évaluer les brûlures aux jambes. Je ne sais pas du tout si je vais retrouver, si je vais pouvoir retravailler, parce qu'il y a des choses qui poseraient vraiment des gros problèmes par rapport à ma fonction. Et c'est pas du tout sûr que j'y arrive. Et surtout, il y a des complications qui sont possibles et qui sont difficiles à évaluer maintenant, mais qui sont à prévoir éventuellement dans les mois, les années à venir. Je garde toujours en mémoire tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai reçu d'aide, que ce soit les amis, la famille, les voisins, les commerçants, les passants. Ce sont toujours des très belles choses qui continuent à arriver, en fait. Voilà pour ce témoignage. Et une confirmation aussi aujourd'hui à la Chambre. Un statut spécifique va bien voir le jour pour les victimes d'attentats, avec un volet dédommagement. Il prévoit aussi un accompagnement médical, psychologique et social. La déclaration de Koen Gaens, le ministre de la Justice, cet après-midi à la Chambre. Nous estimons utile qu'un statut particulier soit attribué, et ce par analogie avec les victimes des guerres. Il s'agit d'un statut spécifique, adapté à la situation spécifique. Il s'agit d'une reconnaissance de victime. Cela ne signifie pas que nous reconnaissons les faits comme actes de guerre et le gouvernement prévoira ce statut spécifique. Voilà donc pour cette reconnaissance nationale. Le Fonds des victimes pour actes de terrorisme a déjà reçu 257 demandes d'intervention financière, 100 de décisions déjà prises, pour les cas les plus urgents, et 768 000 euros attribués. 50 mètres font l'actualité ce soir. Parce que 50 mètres suffisent à provoquer un incident diplomatique entre la France et la Belgique. Des policiers belges ont reconduit des illégaux à la frontière mardi soir, près de Lille, mais ils ont été un peu trop loin. Pour ne pas les laisser sur la route, expliquent les policiers belges. Mais ils ont été priés de s'expliquer au commissariat français. Ils y ont passé de nombreuses heures, ils en sont sortis à 3h30 du matin le lendemain. Pour la France, les Belges n'ont pas respecté la procédure. Ils auraient dû, disent-ils, informer les autorités. Yann Yambon, le ministre belge de l'Intérieur, y voit plutôt un petit incident. On va les entendre, on va voir. Je pense que ce qui s'est passé sur le terrain n'est pas si grave, c'est plutôt un petit incident, mais je suis ouvert pour écouter les syndicats et pour voir comment on peut éviter des choses pareilles dans le futur. Vous dites un petit incident, mais l'air de rien, du côté français, ça grogne quand même du côté de Bernard Cazeneuve. Mais je ne sais pas, j'ai lu dans la presse que mon collègue Cazeneuve m'a contacté, c'est pas le cas. Nos canaux de communication sont très ouverts, donc si c'est nécessaire, je lui contacte. Mais je pense que c'est vraiment un tout petit problème. Nos services peuvent résoudre ça, je pense, sans intervention au plus haut niveau. Il n'y a donc pas de tension diplomatique entre la Belgique et la France par rapport à ce qui s'est passé ? Non, pas du tout. Et pour un petit incident comme ceci, il ne faut pas exagérer. Le ministre de l'Intérieur interrogé par Tidiem Kouach, il se dit donc prêt à recevoir les syndicats. Côté syndical, le ton est beaucoup plus excédé. Le syndicat libéral veut déposer un préavis de grève. L'exercice n'est jamais facile. Le gouvernement wallon débute la confection de son budget. Les ministres vont y travailler 3 ou 4 jours. Le ministre wallon compétent le dit, l'objectif n'est pas de lever de nouvelles taxes, mais il reconnaît que les recettes sont plus maigres que prévu et des dépenses nouvelles sont aussi arrivées pour la sécurité, par exemple. Vous, les femmes, vous avez la tête visiblement trop remplie, Delphine. À trop de choses à faire, on en oublie les routines quotidiennes. Et ce geste, par exemple, avaler sa pilule contraceptive. Catherine Tonnerot, grande enquête internationale pour nous prouver qu'on oublie tout, ou presque, merci au passage. Catherine, est-ce que c'est vraiment la faute à un mode de vie trop chargé ? Eh bien, entre 21 et 29 ans, Delphine, les femmes sont souvent confrontées à de grands changements dans leur vie. Nouvelle formation, nouveau job, nouveau régime, emménagement avec un partenaire, déménagement, la liste est longue. Conséquence, plus de stress et de risque d'oublier certaines tâches du quotidien. Selon ce sondage mené auprès de 4500 femmes de 9 pays, dont la Belgique. Alors sur le podium des oublis, on retrouve donc la pilule, suivie du démaquillage avant d'aller se coucher. Il y a aussi le portefeuille, le téléphone ou les clés oubliées à la maison, sans oublier les réveils non programmés. C'est comme si une trop grande quantité d'informations, de préoccupations bloquaient le passage, au point d'oublier donc ce que nous faisons pourtant tous les jours. Cela nous est arrivé à tout un Delphine, bien que nous n'ayons plus 20 ans, vous comme moi, et ne sommes donc plus concernés par ce sondage. No comment, et on va passer la parole à un homme. Qui oublie aussi, ah mais tout, c'est horrible, vous savez qu'on me dit un truc, 5 secondes après je peux l'avoir oublié. Bah là, qu'est-ce que vous devez faire? Je ne sais plus. Il est 18h08, on va peut-être faire un point sur les routes. Merci Delphine. Sur les routes d'ailleurs, c'est qui au RTBF c'est Mobile qui, Info? C'est Fanny Gillard. Ben voilà, on me l'a dit, j'ai oublié. Bonsoir Fanny. Bonsoir, ben, je ne dirai pas votre nom alors. Ah bah non. En vengeance. Il n'y a pas de raison. On fait comme ça. Qu'est-ce qui se passe sur les routes? Écoutez, là on va nettement moins rigoler là, c'est avec cet accident à Oudergem. Ça se passe sous le viaduc Hermann de Brou. Passage assez compliqué. Gros embarras de circulation à partir de l'avenue Tervuren. Plus sur le boulevard du Souverain, vous perdez une heure. Et en venant de Watermael-Boisfort, là vous perdez encore 20 minutes. Tous les axes avoisinants, le carrefour Hermann de Brou sont aussi assez denses, assez congestionnés. Ça coince du tunnel Porte de Halle au tunnel Léopold II en direction de la Basilique, toujours à Bruxelles, et du tunnel Botanique au tunnel Arlois en direction du Midi. Un ring bien chargé aussi à cette heure-ci. En extérieur, Zaventem Grand Bigard, vous perdez 40 minutes. En intérieur, Zaventem Léonard, une demi-heure, 10 à 15 minutes sur les tronçons habituels. Et on termine avec cet accident qui nous a été signalé par la communauté Coyote. Accident impliquant deux camions sur le 429 Halle-Tournai à hauteur de Petit Anguien, pas d'entrave mais des fils en direction de Tournai. On signale aussi une trace d'huile sur une centaine de mètres juste avant l'accident, soyez prudents. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Cuisine Créfer. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfer. Cuisine Créfer. Ma cuisine. Conditions en showroom. Vivacité, le journal des sports. C'est avec François Zelensky. François, on commence par le football et le coup de tonnerre d'hier soir en Coupe de Belgique. Le Standard a été éliminé dès son entrée en lice. Le Standard qui était pourtant tenant du titre et qui ne s'attendait pas à mordre la poussière à Geel, modeste pensionnaire de division 1 amateur, soit l'ancienne division 3. Comme pour ajouter un petit peu à la dramaturgie, le bourreau du Standard vient de Sprimont, dans la région liégeoise. Lucas Damblon a marqué deux fois dans cette rencontre. Il se souviendra sans doute très longtemps de ce 16e de finale de Coupe de Belgique, mais il n'est pas le seul à avoir vécu une soirée mémorable, Ebi Brouzakis. Ils s'appellent Ethan Pounin, Damien Mouchon ou encore Lucas Damblon. Tous les trois passent en huitième. Mais surtout, ils ont découvert les vertus d'une première fois. Et ça ne s'oublie pas. Ethan Pounin a joué 25 minutes avec Charleroi contre Bocholt et il ne ressent... Que du bonheur, c'est inoubliable. Quoi. Les parents étaient là, la famille, la petite amie peut-être, non? Ouais, les parents, le parrain aussi, la petite amie était là. Voilà. Damien Mouchon a joué 72 minutes avec EPN. Il s'agissait hier de ses premières minutes en équipe première. Et après 300 secondes déjà, il a marqué inoubliable. Comment dire? C'est une grande joie. Depuis que je suis dans le groupe pro, j'attends ma chance. Et même si j'avais déjà mis quelques buts en amicaux, c'est pas pareil parce que c'est des amicaux. Quoi. Là, c'est vraiment la coupe. Je suis vraiment content. Mouchon se souviendra toujours de ce 22 septembre. Mais que dire alors de Lucas Damblon? L'étudiant en biochimie vient de Sprimont, dans la région liégeoise. Il a transité par Saint-Tron avant de reculer et d'arriver à Geel, histoire de marquer deux fois face au Standard. Un club qu'il connaît forcément, mais qu'il ne supporte pas nécessairement, Lucas Damblon. En tant que liégeois, c'est vrai que c'est le top dans la région, mais de cœur, non. Non. Je ne suis supporter d'aucun club. Hier soir, Lucas Damblon était le seul liégeois à niveau. Il a écrit une page de l'histoire de cette Coupe de Belgique, comme Ethan Pounin et Damien Mouchon. La suite demande confirmation, mais elle leur appartient. De la Coupe de Belgique, on passe à la Coupe d'Angleterre où Vincent Kompany a enfin rejoué avant de se blesser à nouveau. Et oui, on pensait le capitaine de Manchester City sorti d'affaire avant qu'il ne quitte la pelouse à quelques minutes de la fin du match hier à Swansea. Kompany a grimacé avant de rejoindre les vestiaires sans un regard pour son entraîneur et ses équipiers. On ne sait toujours pas à cette heure-ci s'il s'agit d'une rechute, d'un petit bobo ou d'une blessure plus grave. Alors en attendant les résultats des tests médicaux, faut-il s'inquiéter pour Vincent Kompany? Thierry Luther s'a posé la question à l'ancien préparateur physique des Diables Rouges, Mario Inorato. Je pense que Vincent a prouvé par le passé qu'il avait une force mentale terrible parce qu'il est revenu chaque fois, je vais presque dire, plus fort de ses blessures. C'est vrai que dernièrement, il a eu une série assez impressionnante. Je sais aussi le travail qu'il fournit. Quand il travaillait avec les Diables Rouges, il arrivait souvent en même temps que moi, c'est-à-dire plus d'une heure avant l'entraînement. Et il allait en salle, en RP, et il faisait un programme particulier. Et c'est quelqu'un qui prend soin extrêmement bien de son corps au niveau de son alimentation, de son hydratation. C'est vrai que c'est d'autant plus dommage. Il est impossible de mettre le doigt sur un problème, mais je crois que c'est vraiment multifactoriel chez lui. Il a commencé très jeune. Ça ne date pas d'hier, mais il est chaque fois revenu plus fort et je crois que c'est un athlète qui a 30 ans aujourd'hui, mais je suis convaincu qu'il va pouvoir revenir. Voilà, Vincent Kompany, dont on ne sait pas exactement s'il est blessé ou pas pour le moment. On le saura probablement bientôt. Et puis un autre joueur belge s'est blessé hier. Ismaël Azaoui s'est rompu les ligaments croisés à l'entraînement avec Wolfsburg. Ce jeune espoir belge sera opéré la semaine prochaine, mais sa saison est fortement compromise. En tennis, la Belgique jouera son prochain match de Coupe Davis en Allemagne. Le tirage au sort du premier tour du groupe mondial avait lieu aujourd'hui à Londres et il a donc réservé un adversaire abordable à la Belgique. L'Allemagne, emmenée par Alexander Zverev et Philippe Kohlschreiber, c'est une équipe talentueuse, mais elle fait quand même moins peur que l'Espagne ou les États-Unis. Contrairement aux 6 derniers matchs de Coupe Davis, les Belges devront cette fois jouer en déplacement. Le capitaine belge Johan Van Aert ne pourra donc plus compter sur l'appui du public. Non, mais ça peut être pas loin et ça peut sentir un peu comme chez nous. Maintenant, il faudra voir où les Allemands ils vont organiser cette rencontre, mais ça peut être tout près d'ici et on peut jouer quand même devant beaucoup de Belges, mais c'est bien d'aller une fois à l'étranger. Je pense que les joueurs, on en a envie. Nous, on a envie et on savait bien que ça ne pouvait pas continuer de toujours rester en Belgique. Et maintenant, il faut aller en Allemagne et on sera prêt d'y aller. Ce premier tour du groupe mondial aura lieu du 3 au 8 février prochain en Allemagne. Donc, mais aujourd'hui, déjà un petit avant-goût puisque David Goffin est opposé en ce moment à un joueur allemand au deuxième tour du tournoi de Metz. Il affronte Jan-Lennart Struff. Le Belge a empoché le premier set 6-4. Et en cyclisme, donc encore une victoire pour Peter Sagan à l'Eneco-Tour. La deuxième en deux jours puisque le champion du monde a remporté la quatrième étape au terme d'un sprint très serré. Sagan a devancé Greipel de quelques centimètres. Il en profite pour prendre la tête du classement général. Tom Bonnen a lui abandonné suite à une chute intervenue au moment où il mangeait et avait donc lâché son guidon. Plus de peur que de mal pour le Belge. Tom Bonnen ne souffre d'aucune fracture. Il devrait donc pouvoir défendre ses chances normalement lors des championnats du monde. Ce sera dans 3 semaines au Qatar. Merci François pour ce journal des sports. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h sur Vivacité, 5 à 7. Vivacité. Avant 19h, beaucoup de choses à faire encore ensemble, hein, puisque tout à l'heure, nous aurons Virginie Efira qui sera l'invitée de ce 5 à 7 dans une petite demi-heure, elle sera là, c'est promis. On s'intéressera aussi à des chiffres plutôt drôles sur les déménagements. Est-ce que on utilise beaucoup de carton quand on déménage? Combien de bières on boit avec les copains qui viennent vous aider? Tout ça, il y a une étude qui a été faite pour pouvoir vous donner les chiffres. On va y revenir dans quelques minutes sur Vivacité. On parlera de nourriture aussi, toute l'actu cuisine avec Candice Cotter dans quelques minutes. Et puis Dominique, tout à l'heure, on parlait de Kazé, ce youtubeur qui a eu l'occasion de faire un vol en première classe, un vol à plus de 20 000 $. Il a été upgradé et il s'est retrouvé avec plein d'éléments de luxe autour de lui, plein d'éléments de confort. C'est quoi le petit truc de confort qui pourrait faire plaisir? Et vous avez eu une idée dingue, Dominique. Mais oui, de faire une émission radio, un 5 à 7 en l'occurrence, dans une première classe ou business, on pourrait peut-être s'en contacter. Ouais. Pour être un petit peu quand même bien installé, bah oui, comme ici, quoi. Ouais. Mais dans un avion en vol. Avec des auditeurs de Vivacité. De villes, bon. On pourra être raisonnable, hein, un Bruxelles-New York serait idéal pour avoir quand même le temps, mais une émission dans un avion, on embarquerait les auditeurs pour faire un petit moment assez sympa. Moi je propose que ça a déjà été fait, on en parlait Paris tout Radio à l'heure, française, Europa, ouais. L'a déjà fait dans l'Airbus A380 avec la bande Aruki. Moi je dis pourquoi pas. Alors nous si on peut vous emmener en avion. Un petit luxe mais... infaisable. Voilà, mais forcément, si on peut faire plaisir à des auditeurs et prendre l'avion avec eux, c'est avec plaisir. Mais il y a quelqu'un qui doit dire ok, c'est le patron de Vivacité. On va l'appeler, c'est parti, on compose ce numéro de téléphone en direct et on devrait avoir le patron si ça déproche, si ça répond, si ça fonctionne. Ah, allô, patron ? Oui, Cyril. Ah, salut. Bonsoir, patron, comment ça va ? Bonsoir, ça va bien. Je vous ai déjà dit que vous étiez le meilleur patron. Non, mais ça fait du bien de l'entendre. Non, mais voilà. Mais je voulais vous appeler en direct dans l'émission pour que tous les auditeurs le sachent. Ah, d'accord. Éric Gilson est le meilleur patron. Voilà, comme ça, c'est dit. Dites, patron. Oh, je sens le piège, là. Non, bah non. Je sais pas pourquoi. Pas du tout. J'ai un instinct qui me dit je sens le piège. Non, on se disait avec l'équipe que ce serait sympa. Parce qu'on parlait de luxe tout à l'heure. Il y a un YouTuber, il a pris l'avion, il s'est retrouvé upgradé, il a pris l'avion en première. On se disait, ce serait sympa de prendre l'avion, mais avec des auditeurs de Vivacité. Ah oui, évidemment. Et qu'on fasse l'émission depuis l'avion, vous voyez ? Ah d'accord. Ah mais c'est une bonne idée, c'est vrai, oui. Ça veut dire oui, ça veut dire qu'on peut le faire. Idée. Ça veut dire que... Mais j'ai pas d'avion, moi, personnellement, donc il faut toujours trouver l'avion, évidemment. Oui, bah voilà ça, mais des avions... Mais si vous trouvez l'avion et un partenaire, oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée, oui. Bah, non, en tout cas. On veut un truc clair, quoi, pas un truc de patron, quoi. Un oui ou un non, patron. Non, sur l'idée, bien sûr que oui. Sur la faisabilité, on va en discuter, hein. J'ai l'impression de faire une interview d'un homme politique. Oui. Patron, c'est un oui ou c'est un non ? Non, sur le principe, sur l'idée, c'est génial. Donc moi, c'est je suis oui. Partant, d'ailleurs, je vous accompagne. Eh ben, si vous venez avec, on peut le faire alors. Oui. Donc, je paye pas les billets. Attention. On lance déjà les inscriptions ? C'est bon, on peut inviter. Oui. Non, mais on y réfléchit sérieusement. Non, on va y réfléchir sérieusement. Ça, ce serait fort. La première radio belge à faire une émission depuis un avion. Patron, oui. On se revoit très vite pour caler ça. Hein. D'accord. Bonne d'accord, soirée. Il a dit oui, pas presque, mais il a dit oui. Bonne soirée, Eric. Si vous avez d'autres idées, rappelez-moi. Hein. Ah bah si avec idées, rappelez-moi, n'hésitez pas. Me chauffez pas, je peux vous appeler plusieurs fois avant 19h. Virginie Fira sera l'invitée de cette émission tout à l'heure. Restez bien là et dans un instant, on vous parle d'une histoire assez dingue qui peut peut-être vous faire peur. Une araignée, peut-être dangereuse, c'est juste après ça, bougez pas. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Haut-Lieu Saint-Lambert, portes ouvertes ce dimanche, de 14 à 17h, dans notre bureau d'info, avenue des Îles d'Or, à Haut-Lieu Saint-Lambert. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Vivacité présente Amir en concert, le vendredi 16 décembre à la Madeleine, à Bruxelles. Une soirée festive avec la nouvelle étoile de la scène française à vivre en live. Tickets via livenation.be. Vivacité présente les Fêtes Romanes, festival des arts de la rue à Volubilis. Cirque contemporain, danse, acrobatie aérienne, jonglerie, théâtre de rue, plus de 70 spectacles à découvrir, mais aussi un immense village vert, la rencontre des créateurs et des animations pour toute la famille. Un événement gratuit les 24 et 25 septembre. Volubilis.be. Dites, la Peugeot 2008, là, le Grip Control, elle l'a ? Elle l'a. Et le High Cockpit avec écran tactile, elle l'a ? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a la caméra de recul et elle a le démarrage en côte aussi. Ah bon, elle l'a ? Non, elle les a. Ah oui, oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles et de l'offre 50-50. 50% de remise sur 100% des options. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. Etias, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je viens de faire un accident. Il y a des blessés ? Non, c'est juste ma voiture qui roule plus. Bon, écoutez, le dépanneur sera là dans moins de 30 minutes. 30 minutes ? Oui. Mais ça va me coûter combien cette histoire ? Parce que moi, ce mois-ci, avec la rentrée, je peux pas. Non, les fournitures, le cartable. C'est gratuit, madame, dans votre assurance auto. C'est gratuit ? Ce n'est pas pour rien si depuis 2 ans, l'assurance auto Etias est élue meilleure assurance RC auto par Decavi. Comparez votre assurance auto avec celle d'Etias et bénéficiez de 2 mois gratuits. Etias, les efficaces assureurs. Conditions sur etias.be. Vous désirez acheter ou rénover une maison? La Wallonie soutient votre projet. Access Pack, EcoPack, RénoPack. Avec le Fonds du logement de Wallonie et la Société Wallonne du Crédit Social. Des formules de crédit sur mesure. Infos et conditions 078 158 008 ou sur flw.be et swcs.be. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. RTBF présente Mix City. Bruxelles. 2017, c'est l'année de la diversité à Bruxelles. Alors venez vous mélanger à Hello Mix City. Grand concert d'ouverture avec 120 artistes, 20 pays, 10 langues, 2 scènes et c'est gratuit. Hello Mix City, Mont des Arts, vendredi 30 septembre à 18h. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, BX1 et Le Soir. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Il est 18h22, dans un instant on part en cuisine avec Candice Cotter, mais juste avant, il faut vous parler de cet article, c'est 7sur7.be qui nous informe de ça aujourd'hui. Il y a une araignée qui a été trouvée en Angleterre, dans la maison d'une famille qui a acheté des bananes, voilà, et cette araignée, bah elle peut être quand même assez dangereuse, puisque elle, non seulement elle peut vous provoquer une espèce d'asphyxie, mais en plus de ça, et c'est quand même pour ça aussi qu'on en parle, on va pas se mentir, elle peut provoquer chez les hommes une érection de 4 heures. Voilà, c'est long quand même, 4 heures. On va en parler avec Rudy Jocquet. Vous êtes arachnologiste au Musée Royal de l'Afrique Centrale à Tervuren. Bonsoir Rudy. Oui, en effet, bonsoir. Merci d'être ce soir dans le 5 à 7. Alors Rudy, cette araignée qui peut provoquer donc plusieurs choses, mais dont une érection de 4 heures. C'est quand même intense, vous êtes un homme, vous imaginez que ça doit être épuisant. Est-ce que déjà c'est vrai? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Pour dire, nous n'avons pas de rapport fiable là-dessus. Donc, on dit des tas de choses des araignées. Ouais. Mais à ce point-là, on n'a pas d'informations. Il faut dire que les venins de araignées sont très complexes et on ne sait certainement pas encore tous les effets que ça peut avoir. Et donc, il n'est pas impossible que certaines venins d'araignées ont cet effet, mais ce n'a pas été étudié et on n'est pas certain que c'est correct. En tout cas, ici, la famille n'a pas été mordue par cette araignée. Ils ont quand même choisi de déménager, parce qu'ils ont eu un petit peu peur. Alors c'est bizarre, parce que c'est étrange, parce qu'il suffit de ne plus acheter des bananes. c'est ça. Est-ce qu'on a le risque d'avoir des araignées dangereuses quand on achète des bananes? Et est-ce qu'il y a des araignées dangereuses chez nous, en fait? Non, chez nous, il n'y en a presque pas. Enfin, normalement, il n'y en a pas, mais ça arrive avec certains produits, on introduit certaines araignées qui ne sont pas très gentilles, disons. Mm-hmm. Par exemple, avec des tentes venant d'Australie, on a déjà importé des veuves noires, qui sont des petites araignées, mais vraiment dangereuses parce qu'ils ont des vénins neurotoxiques. Les araignées de Bandam, de moins en moins, il y a 20 ans, ça arrivait très souvent qu'il y avait des araignées, des grandes araignées d'Amérique du Sud. Ouais. Mais récemment, c'est devenu très rare. Et cette histoire d'une araignée qui a comme effet une érection de 4 heures, ça me paraît ça paraît beaucoup. Après, ça peut être un médicament qui remplace le Viagra aussi. Oh, araignée, pique-moi, et hop, on est en forme. Oui, si ce serait vrai, je suis certain que certaines scientifiques seraient intéressées de l'étudier. Alors, elle s'appelle la Phonotria nigriventaire. Donc celle-là, oui, je la connais très bien. C'est vrai, c'est une araignée très agressive, une des rares dans le monde qui est agressive. Normalement, elle s'enfuit. Mais celle-là, vraiment, elle attaque. Ah oui, c'est ça. Donc elle mord pour mordre, quoi. Pardon ? Elle attaque vraiment juste pour le plaisir d'attaquer. Oui. Même des grands mammifères comme l'homme, elle attaque. Et c'est très rare parmi les araignées. Et elle a un venin dangereux, ça c'est vrai aussi. Mais cet effet d'érection, je ne l'ai jamais entendu parler de ça. Bon, ben, il n'y a plus qu'à essayer de se faire attaquer et puis on pourra vérifier. Hein. Oui. Mais on a le risque d'y rester aussi. Oui, donc finalement, oui. On ne va pas tenter ça. Merci Rudy de nous avoir rassuré déjà parce qu'il n'y en a pas chez nous et de nous avoir expliqué les risques avec cette araignée. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Pareillement. Au revoir. 5 à 7. Allez, dans le 5 à 7, c'est le moment où on met son petit tablier, on passe une petite tête en cuisine, on s'installe avec Candice Cotter. Bonjour Candice. Bonsoir Cyril, bonsoir tout le monde. Après les nouveaux M&M's Butterscotch, est-ce que vous avez vu ces M&M's Butterscotch qui arrivaient ? Alors là, pas du tout. Eh bien, les M&M's sont sortis, donc la firme M&M's a sorti sur ces 10 dernières années différentes couleurs et différentes nouvelles saveurs. Ouais. Et la dernière en date, donc celle qui est sortie en fait pour Halloween 2016, qui est maintenant sortie mais pour dans un mois, 31 octobre, c'est la saveur Butterscotch. Donc vous avez cette saveur un peu caramel gras, caramel beurre. Ça doit pas être mauvais du tout. Et vous avez dans la foulée Oreo qui a voulu concurrencer et lancer une petite nouveauté. Parce qu'Oreo, finalement, tout le monde voit bien ce que c'est Oreo. Oui, biscuit noir, voilà. Intérieur lait. Exactement. Biscuit bien noir, bien chocolat. À séparer, léché. Ouais, totalement, trempé dans son lait. Enfin, vraiment, voilà. À l'américaine, comme on l'a. On s'imagine dans cette cuisine avec un îlot central à l'américaine. c'est à la maison, on trempe son Oreo dans son verre de lait. Exactement. Sinon, on n'y est pas. Donc, tout le monde a bien cette image-là. Fourré vanille bien blanche, trop blanche pour être honnête, mais honnêtement, très bon. Il y a eu des Oreo fraises, menthe, il y a eu des Oreo citron. En gros, ça cassait rien au niveau de l'originalité. Et là maintenant, ce qu'ils ont essayé de faire, et ils lancent maintenant en édition limitée, des Oreos au Swedish Fish. Alors, calmons-nous, fiche poisson, non. Tout le monde peut s'imaginer l'Oreo au saumon et se fait « Ah non !» Effectivement, ça non, ils n'ont pas osé. Les Swedish Fish, ce sont des bonbons américains, sont gélifiés avec une saveur un peu cerise, qui ont la texture des oursons Haribo. D'accord. Mais donc, vous vous retrouvez avec un Oreo donc tout noir, avec cette espèce de crème à la cerise chimique, chimique bonbon, quoi, à l'intérieur. Mais rouge, bon goût, quoi. Rouge flash, rouge, rouge sang, rouge vampire. Ce qui pourrait fonctionner pour Halloween aussi. Donc on a ça. Alors il y a un débat sur Internet sur cet Oreo absolument dingue. Il y en a qui hurlent au scandale, qui trouvent le mix dégoûtant. D'accord. Alors effectivement, c'est suprachimique. J'ai goûté, c'est méga chimique. Et il y en a qui trouvent ça vraiment, vraiment génial en se disant nouveau combo, nouvelle originalité, ils ont osé, ça les sort de leur truc, pourquoi pas. Je vous invite à vous faire votre propre idée, vous les trouvez sur Amazon. Ils les ont lancés en exclusivité aux États-Unis, on ne savait pas les avoir ailleurs. Évidemment, Amazon a repris un stock et les vend sur l'international. D'accord. Et donc vous les retrouvez sur Amazon. Je vous ai mis un lien bien précis d'Amazon et vous allez pouvoir retrouver ça là-dessus et vous régaler de ces Oreos au four. Ouf, Swedish Fish. Ben, ça donne envie, je trouve. Mais franchement, c'est une expérience. Et c'est assez fun de voir un peu les nouveautés. Et moi, je trouve que les trucs américains comme ça, c'est toujours un peu clin d'œil. Eh ben, on retrouve tout ça sur vivacité.be. Merci, Candice. Et à demain. Nouveau, l'offre week-end de La Libre. Consultez chaque jour La Libre en numérique et le samedi, retrouvez-la en version papier dans votre boîte. Accompagné des suppléments La Libre Entreprise et le Quid. L'offre week-end de La Libre. En septembre, offre de lancement exceptionnelle à 12,99€ par mois. Infos et abonnements sur lalibre.be. Offre soumise à condition. La Libre, faisons vivre l'info. Ce message s'adresse à vous, qui gardez de l'argent pour les enfants ou pour cette ville-là dont vous rêvez tant. Oui, vous, qui voulez vous lancer dans les placements. Vu que l'épargne, ce n'est plus comme avant. Pour vous, CBC a formé des conseillers qui vous proposent les solutions adaptées à vos ambitions et vous parlent sans langue de bois, dans les bons comme dans les moins bons moments. Investir ? Parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décidez-d'investir. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil ? Le petit orteil ? Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez, bon, 1 million. 2 millions, alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. Chez Volkswagen, la solidarité nous tient à cœur. Tous les jours, un nouveau sac. Grâce au shopping chez Veritas. Pour la journée ou en soirée. Prenez-en deux, c'est tellement mieux. Jusqu'au 26 septembre, 20% sur votre sac à main préféré. Aussi en ligne sur veritas.be. Veritas. Fait par moi, fait pour moi. Win for Life, c'est 2000 euros par mois à vie. De quoi partir si souvent à Marbella que tu en oublierais parfois que tu es juste en Belgique. Bonjour monsieur. Hola señor. Alors, cuatro pistoleros y dos gozetas con pomas, por favor. Mais vous pouvez parler en français monsieur, hein, pas de problème. Alors ça, pour un hasard, c'est un hasard. Faut que je tombe sur un boulanger belge à la Costa del Sol. Ça fait longtemps que vous êtes installé ici. Joue à Win for Life dans ton point de vente, online ou sur mobile. Win for Life, du fun for life. On n'est pas des pigeons, vous non plus ? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. Nous avons le plaisir de vous inviter au bal de la commune d'Etterbeek le samedi 8 octobre à 19h30 au Centre des Sports. Vous pourrez y redécouvrir les plus grands succès de l'univers rock soul pop repris par Mister Cover. Infos et réservations, bal.etterbeek@gmail.com ou 0478 59 45 63. Le 5 à 7 de Vivacité continue dans quelques instants. Il est l'heure de retrouver David Riffon tout de suite. Voici les titres de l'actualité sur Vivacité. Bonsoir David. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. L'affaire des policiers belges interrogés par leurs collègues français prend de l'ampleur. Deux de nos agents ont été interrogés hier pendant plus de 4 heures par des policiers français. Les Belges venaient de déposer une dizaine de migrants à la frontière, mais ils sont sans doute allés un peu trop loin au-delà de cette frontière. La France exige des explications. En Belgique, les policiers dénoncent le flou qui entoure leur mission. Le SLFP Police et la CSC ont déposé un préavis de grève. 6 mois après les attentats de Bruxelles et de Zaventem, une partie du hall des départs de l'aéroport n'est toujours pas rénovée. Elle ne le sera sans doute pas. Cette partie réservée aux charters sera dédiée à un espace plus moderne. C'est là que les responsables de l'aéroport voient se développer l'aéroport du futur. On en parle à 19h. Bataille d'experts au quatrième jour du procès Westphal devant les assises de Mons. Les experts en criminologie concluent un contact intense entre un oreiller et le visage de Véronique Pirotton, ce qui suggère que la victime aurait pu être étouffée. Ce n'est toutefois qu'une suggestion. L'avocat des parties civiles estime tout de même que cela met à mal la thèse de la défense. Cyclisme, quatrième étape de l'Eneco Tour et deuxième victoire consécutive au sprint pour Peter Sagan. Il s'empare du maillot de leader. À noter la chute de Tom Bonnen. Le Belge a abandonné par mesure de précaution. Il a passé des examens qui n'ont rien révélé de grave. Sa participation aux Mondiaux au Qatar le mois prochain n'est pas remise en cause. Et puis en tennis, Cyril, la Belgique disputera le premier tour du groupe mondial 2017 en Allemagne, en Coupe Davis. Le tirage au sort a été effectué aujourd'hui à Londres. L'Allemagne, adversaire assez abordable pour les Belges. Ah bah, espérons que ça se passe bien pour nous. Merci David. Rendez-vous tout à l'heure à 19h. La météo tout de suite, Dominique. Demain, on aura quelques nuages, quelques gouttes de pluie aussi localement, mais aussi et surtout des éclaircies et des maxima, compris entre 17 et 20 degrés. Samedi, soleil généreux et belle douceur, donc on va avoir une bonne première partie de week-end, en tout cas 19 à 24 degrés samedi. Attention dimanche, plutôt des averses, un petit degré ou deux en moins et un vent qui va se renforcer. Bon bah merci pour cette météo, on aura peut-être un petit peu plus froid. Voici ce qui se passe sur les routes, tout de suite c'est le RTBF Mobile Info avec Fanny Gillard. Là, et vous avez des bonnes nouvelles ou pas? Oui, des très bonnes nouvelles et ça se passe à l'instant. Vraiment, au moment où vous m'annoncez, ça arrive, c'en est terminé de cet accident à Oudorgem sous le viaduc Hermann de Brou, passage qui reste un petit peu compliqué quand même et encore des embarras de circulation. Ça coince à Bruxelles du tunnel Botanique au tunnel Arlois en direction du Midi, ça va nettement mieux sur le Ring aussi. En circulation extérieure Zaventem Grand Bigard, vous ne perdez plus que entre guillemets 25 minutes. En circulation intérieure Zaventem-Léonard 20 minutes et 10 à 15 minutes sur les tronçons habituels. Et puis toujours cet accident, je vous le rappelle, accident impliquant deux camions sur le 429 Halle Tournai à hauteur de Petit-Anguien. Bande d'arrêt d'urgence neutralisée. Vous perdez 15 minutes en direction de Tournai. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Jusqu'à 19h, le 5 à 7 avec encore des cadeaux à gagner. Avant 19h, vous devez vous inscrire absolument. Parce que sinon, vous ne repartirez pas avec le cadeau, ça c'est sûr. Avec un beau cadeau cette semaine, à l'occasion de la semaine de la mobilité en Wallonie. Ça se termine aujourd'hui d'ailleurs, cette semaine de la mobilité. Vous repartez avec un vélo avec assistance électrique d'une valeur de 1000 euros. C'est quand même sympa ça. Pour le remporter ce vélo, vous envoyez mobilité par SMS au 6003 pour 75 centimes. Le message, bonne chance à vous. Dans quelques minutes, on parlera d'une étude qui a été publié aujourd'hui, qui nous parle des déménagements. Je ne sais pas si vous avez déjà déménagé. Parfois, il y a plus ou moins de cartons qui sont nécessaires, mais il y a des chiffres intéressants. On apprend, entre autres, dans cette étude, le nombre de bières qui sont bues sur un déménagement. C'est une vraie étude. On y revient dans quelques minutes sur Vivacité. Il est 18h35. Mais avant, parlons d'un retour ce soir à la télé à 20h25 sur la 2. Vous avez rendez-vous avec 69 minutes sans chichi, c'est la rentrée. Et en première invitée de cette nouvelle saison, c'est Virginie Fira. Elle est déjà dans le 5 à 7 ce soir. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Bienvenue, ça va bien? Ouais, ça va plutôt bien, ouais. Vous êtes beaucoup partout en ce moment, pas mal en France à la télé. Ça fait plaisir de revenir en Belgique quand même. À fond, ouais. Alors, je suis là peu de temps, quoi, en fait. Hein. Je suis arrivée hier soir, je repars déjà demain. Mais pourquoi vous restez pas chez enfin, nous? Bon, après, chez il y a un moment où je reviens sans forcément m'exprimer à la radio ou à la télé. Quoi. Ouais, quand ça, qu'on puisse vous voir. Voilà, donnez vos petits rendez-vous, vos astuces. En fait, quand je viens, je vais surtout voir mon père. Hein. Je ne me dis pas que je vais venir voir la télévision ou la radio. Quoi. Alors, Virginie, ce soir, vous allez être confrontée à beaucoup de choses, à des souvenirs. Confronté. Vous allez être confrontée à votre avenir aussi. Ça, c'est nouveau cette saison. Je reprends le train, j'ai peur. Mais justement, ça fait peur ou pas d'être dans une émission avec des choses qui ont été préparées dont vous n'êtes pas au courant? Vous n'êtes au courant de rien pour ce soir? En fait, si je vous dis la vérité, non. En fait, je trouve toujours joyeux les surprises et le fait de ne pas savoir. Il peut y avoir des mauvaises surprises. On n'a pas d'idée prémédité. Peut-être, oui, mais le fait de ne pas savoir, j'en sais rien, en fait, les idées de s'abandonner à quelque chose, et ça, je trouve ça plutôt joyeux. J'aime plutôt bien, moi, de ne pas savoir exactement les choses qui vont se passer, l'inconnu, c'est plutôt toujours une belle promesse, en fait. Dans la vie aussi, vous aimez qu'on vous fasse des surprises, qu'on vous prépare des trucs? Alors, est-ce que quelqu'un va répondre non? Oui, il y a des gens qui détestent ça. Je n'encourage pas tellement les gens à faire des surprises dans la vie, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas, je suis quelqu'un, par exemple, j'aime les surprises anniversaires, les choses comme ça, je suis toujours gênée un peu quand je suis au centre. franchement des choses. Bon, là, j'espère que ça sera joyeux, quoi. Ah bah, a priori, voilà, enfin, j'espère. On mettra d'autres personnes que moi en évidence, enfin voilà, je sais pas. Ça fait quoi d'être au cœur d'une émission comme ça, où on va retracer votre vie? Parce qu'on le fait parfois sur des gens qui sont morts, mais là, on retrace votre vie alors que vous êtes bien là, quoi. Un peu vivante. Qu'est-ce que ça fait? Ben écoutez, je ne suis pas une grande nostalgique, je dois bien dire. Autant j'aime... Alors, il y a peut-être toujours... La vraie surprise, en fait, c'est d'avoir des gens qu'on aime qui sont là. Et donc, ça met un peu à l'extérieur de soi-même. Mais la grande auto-glorification dans genre, hey, vous avez fait ci, vous avez fait ça, quel... oh, ça, ça me gêne un peu, franchement. Mais comme il y a d'autres personnes, comme c'est raconter des histoires, et que voilà, que moi, ça me donnait aussi l'occasion de parler d'une association qu'elles font Ariane, oui. Et d'un événement qui va se faire le 27 octobre à la Madeleine, je trouvais que bah, du coup il y avait une raison un peu extérieure à moi aussi de faire les choses. Et après je sais que c'est joyeux, mais je ne demande pas à les gens, ni dans le privé ni dans le public, de forcément me festoyer, quoi. Enfin, voilà. Zut, on annule la fête alors de ce soir. Non, mais ça va être super. Moi, aussi parce que je vais rencontrer les gens et je pense qu'il y a des surprises. J'ai bien vu qu'il y avait des intimes qui me regardent bizarrement, genre c'est ce soir ton truc, et je sens bien que soit je vais les voir, donc ça c'est quand même chouette. Ça, c'est super. Hein. Bon, ça, c'est festif. On vous verra donc tout à l'heure en direct à 20h25 sur la 2. Puis en ce moment, il y a quand même un peu d'actu pour vous. Parce que si on vous voit beaucoup, c'est parce qu'il y a de la promo aussi. Alors ce soir, ça change un peu de la promo traditionnelle. Oui, mais c'est vrai. On peut aller vous voir au cinéma en ce moment. Oui, il y a un film que je trouve vraiment très beau, très réussi, qui s'appelle Victoria de Justine Triet. Et c'est un film, spécial. Spécial parce que... la réalisatrice, elle a fait réellement ce qu'elle voulait, quoi, dans le sens où c'est un film d'auteur, dans le sens qu'il a une particularité, c'est vraiment le produit de quelqu'un. Et en plus, là, il rencontre quand même le public, il contient la drôlerie. Je sais pas trop bien pitcher les choses, moi, mais je dirais que c'est comme une sorte de comédie sur la dépression. Et je trouve qu'il raconte des choses de notre époque très, très belles. Et je pense que c'est un peu drôle aussi. Bah, ce soir, voilà. Ce sera aussi l'occasion d'en reparler sur la 2. Les projets, la suite pour vous, ça va être quoi? Encore du cinéma, de la télé, de la radio? Pour le moment, plus du cinéma que de la télé, de la radio. Ça vous manque pas? Là, en fait, comment? Ça vous manque pas un peu de radio? J'ai toujours été très nulle à la radio. Franchement, j'ai fait une émission à un moment. Je suis pas d'accord. Je vous écoutais quand j'étais petit. Ah bon? À la radio? Vous êtes sûr de ça? Ah oui. Vous n'avez pas confondu avec quelqu'un d'autre? J'ai eu une émission à 6 mois et demi. Ah bah j'ai écouté. J'étais là. Ah bon? vous étiez le seul. Hein. Vous étiez quatre. Je me souviens d'ailleurs quand j'animais, j'étais lancé des débats et tout ça, et on n'avait personne qui appelait. Donc je disais, alors appelez-nous tout de suite, on dit ce que vous pensez de machin, et aucun téléphone ne sonnait. Bah, peut-être que les gens n'en pensaient rien. Je faisais semblant, je prenais une voix, je disais oui, bonjour. Je t'assure que personne ne m'écoutait. Après la télévision, si. Donc la télévision, j'aimais bien en faire, hein, vraiment beaucoup. Après, est-ce que ça me manque? Non, parce que je préfère raconter une histoire. Je veux dire, la nouvelle star, par exemple, c'était hyper chouette à faire, mais... Mais je me disais, les chanteurs et tout ça, il y a quelque chose de plus, je sais pas. Ouais, il n'y a pas de message derrière, c'est ça? Oui, je veux dire, des SMS, bon là, il n'y avait pas des SMS, je sais pas, c'est l'idée de participer. Enfin, ce choix de changer, d'être dans le mouvement, quoi, en tout cas, et de participer à une histoire, puis avoir de la croyance pour un metteur en scène et tout, je sais pas, oui, j'aime bien faire ça, quoi. Vous aimez bien faire du cinéma, le public aime bien vous voir au cinéma, finalement, ça tombe bien. Laissons les choses comme ça. Je pense que je sais pas, mais quand les films sont bons, oui, quoi. Hein. Sinon, je suis pas sûre qu'on soit dans une époque où on suit vraiment un comédien et tout ça. Sauf s'il est dans quelque chose. Là, par exemple, le succès de Victoria, c'est sympa, je suis dedans, mais parce que le film, dans sa globalité, a quelque chose, quoi. En tout cas, Victoria, ça, allez voir. Et on vous retrouve tout à l'heure en direct à 20h25 sur la 2 dans le retour de 69 minutes sans chichi avec plein de nouveaux dans l'émission. Ça va être à découvrir tout à l'heure. Merci beaucoup Virginie d'être passée par le 5 à 7. Bonne soirée, à bientôt. Il est 18h41. Voici le rendez-vous quotidien avec Marc Toesca, c'est Pop Story. Pop Story. Depuis 2001 en France, le programme Nutrition Santé préconise de consommer 5 fruits ou légumes par jour. Oh, deux desserts, c'est une bûche? Non, c'est Cloug. Ah non. À défaut de vous offrir un panier garni, bourré de fibres, d'antioxydants et de vitamine C, nous vous proposons ces quelques chansons qui vantent les qualités des végétaux et autres agrumes. Et commençons par une balade champêtre sur la colline aux myrtilles de Fats Domino, Blubber Hill. I found my thrill. Au chapitre des chansons végétariennes, on pourrait citer Bourvil et sa salade de fruits, les Beatles et leur champ de fraises, mais connaissez-vous Jack Harry ? Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates. Ce comédien, à fine moustache et costume d'alpaga, chansonnier époque Formica et télé noir et blanc, donnait ce conseil à ses contemporains. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates, nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé. Pop Story, Marc Touesca. Si la tomate est source de vitamines A, B, C et K, riche en phosphore et potassium, le cornichon, bien que plus violent au goût, apporte manganèse, iode, fer et un bon stock de vitamines B et C. Ce cucurbitacé, excellent pour la santé, apportera à Nino Ferrer un de ses plus célèbres cartons en propulsant le chanteur tout en haut de nos hits parades. C'était en 1966. Des cornichons, de la moutarde. Après les myrtilles, les tomates et les cornichons, terminons cette balade bio par quelques citronniers. En 95, le groupe allemand Fool's Garden culmine tout en haut des charts planétaires avec Lemon Tree, une rengaine aux qualités euphorisantes. Mais il ne faut pas s'y fier. Évoquer le citron en anglais, c'est mettre en avant les désagréments et les tracas. Donc, parler d'un citronnier vous donne une idée de l'étendue des problèmes. Ceci dit, le citron est excellentissime pour la santé. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. C'était en 1995 et le groupe allemand Fool's Garden était numéro 1 un peu partout dans le monde avec Lemon Tree. Pop Story, Story. L'histoire des... Il y a un vélo à gagner ce soir, un vélo avec assistance électrique d'une valeur de 1 000 euros. Ça tombe tout bientôt. Si vous voulez repartir avec, vous envoyez mobilité par SMS au 6003, c'est 75 centimes le message, puisque c'est offert dans le cadre de la semaine de la mobilité en Wallonie qui se termine aujourd'hui. Dans un instant, à propos de mobilité, on va parler de votre mobilité quand vous bougez de chez vous, le déménagement, avec des chiffres qui sont sortis dans une étude aujourd'hui. Les détails juste après ça, bougez pas. Vous venez de percevoir votre assurance groupe et vous voulez faire fructifier cet argent. Investir ? Parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. Salut, c'est moi, Hip. Quand on trouve une grande variété de bons vins, on aime en garder en réserve, pas vrai ? Rendez-vous vite dans votre hypermarché Carrefour et venez remplir votre cave pour en avoir toute l'année. Jusqu'à ce samedi, à l'achat de 24 bouteilles, recevez, bam, 20% de réduction. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Votre attention, s'il vous plaît. Voici un avis important pour tous les amis. Avez-vous un ami ou une amie qui a besoin d'un espace supplémentaire? Un endroit reposant ou un petit air d'été tout au long de l'année? Donnez à vos amis le tuyau en or, celui de demander conseil au Véranda Willems. Et vous aurez peut-être la chance de gagner un safari plein d'aventures. Ou une croisière exclusive. Découvrez notre action grandiose et participez via toutlemondewillems.be. Willems, maître constructeur en Véranda. Dîner entre filles dans le meilleur restaurant de poissons, c'est sympa ici. Ou apéro entre hommes dans le meilleur bar à cocktails. Waouh, c'est sympa ici. Lâchez-vous, votre représentant Neckermann connaît les meilleurs endroits de votre destination. Réservez maintenant vos vacances d'hiver et recevez jusqu'à 500 euros de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances. Viva Bruxelles et la Une présente. Chaque fois dans le métro, je me dis, essaye le vélo. Faut vraiment que j'innove sur le chemin du boulot. Auto-métro-vélo, je peux aussi marcher. Fallait franchir le pas, oser mixer, bouger. Je me suis dit, Mobile Mix. Du 16 au 23 septembre, semaine de la mobilité. Et le 18 septembre, dimanche sans voiture. Be Mobile Mix, be Brussels. Cet instant de détente vous est offert par votre magasin Watteau. Peinture, décoration et revêtement de sol, profitez d'un large choix et des meilleurs conseils. Watteau, chaussée de Namur à Nivelles et sur watteau.be. Bienvenue au driving de Renault Motors. Et pour monsieur, ce sera ? Oui, je voudrais la chicken nouvelle Renault Clio, s'il vous plaît. Et comme boisson ? Une grande garantie, arrosée d'une assistance. Un dessert ? Un bouquet d'entretien et durant 5 ans, s'il vous plaît. Dans un compte ? À partir de 139 euros par mois ? Ah, mais c'est parfait, ça ! Bien, monsieur, vous pouvez avancer vers votre concession Renault Motors la plus proche. Partout dans le Brabant Wallon. Le Château des Thermes vient d'enfiler sa tenue de gala. Un nouveau cadre exclusif, unique en Belgique. Soyez privilégiés et réservez un séjour au Château des Thermes de Chauxfontaine. Info sur châteaudesthermes.be. Le journal Tintin aurait eu 70 ans cet automne. Pour l'occasion, Hergé, Herman, Tibet, Cosset et toute la bande illustrent le Vif l'Express de cette semaine. Quatre couvertures et plusieurs inédits à découvrir absolument. Le Vif l'Express, pour ne rien vous cacher. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Dans quelques minutes, les enfants de cœur arrivent. On écoutera le best-of, les meilleurs moments des enfants de cœur que vous adorez et que vous retrouvez d'ailleurs sur vivacité.be. Mais avant, il faut que je vous parle d'une étude qui a été publiée par Etias aujourd'hui et qui parle du déménagement des Belges. Alors on apprend plein de chiffres, hein. On apprend que le loyer belge est d'environ 580 euros, qu'on rajoute 244 euros de charges par mois, que le tiers du salaire des jeunes entre 18 et 24 ans part dans le loyer. Donc ça représente 609 euros. On apprend plein de chiffres comme ça, et puis des chiffres qui concernent le déménagement en lui-même. On va en parler tout de suite avec Benoît Danse. Vous êtes Product Manager chez Etias. Bonsoir Benoît. Oui, bonjour Cyril. Merci d'être ce soir dans le 5 à 7. Alors, il y a des chiffres qui nous ont quand même surpris tout à l'heure, parce que vous avez mené une étude qui nous parle, par exemple, du nombre de cartons qu'on utilise quand on déménage. Oui, absolument. Donc les gens, ça c'est ce qu'on a trouvé, c'est ils déménagent énormément. Donc 4 locataires sur 10 rompent leur contrat plutôt que prévu. Et donc effectivement, il faut des caisses pour ça. Et effectivement, le petit chiffre amusant, c'est qu'en moyenne, si vous vous demandez, je vais déménager, j'ai besoin de combien de caisses, ben, les gens ont répondu 37. Voilà. Ah ouais. Bah c'est vrai qu'on compte rarement, on se dit tiens, est-ce qu'on a des cartons? Bah oui, on essaye de se dire oui, il me faut combien de caisses, ben voilà, c'est 37. Mais ce qui a vraiment été interpellant, c'est qu'il y a quand même donc beaucoup de locataires qui cassent leur contrat de location plutôt que prévu. Ouais. C'est quand même 4 sur 10. Et pourquoi même 1 sur 2. Ben alors il y a un peu de tout. Il y a notamment des raisons, disons, sentimentales. Ben, je trouve un nouveau partenaire, donc on a tous les deux on va pas garder de logement. Et, ben, voilà, on va pas garder de logement. Des choses peut-être moins rigolotes, on se sépare, voilà. Voir ben, avec l'actualité Caterpillar et autres, il y a un licenciement. Donc, malheureusement, on ne peut plus payer. Ouais. Occuper, voilà, voilà. Et donc, ben, pour ça, chez Etias, on a d'ailleurs une assurance locataire qui vraiment les aide dans ces cas-là, puisque vous savez que celui qui casse son contrat fait bien souvent des indemnités de rupture à payer au propriétaire. Et donc, ben, voilà, avec l'assurance locataire Etias, cette indemnité est la plupart du temps couverte. Alors, dans cette étude, on continue dans les chiffres, Benoît, on nous parle aussi, et ça c'est assez drôle, je ne sais pas qui a eu l'idée chez vous, chez Etias, de sortir ces chiffres-là, mais par exemple, on apprend qu'il y a un chiffre, une moyenne, je vais y arriver, de nombre de bières consommées sur un déménagement par personne. Absolument, c'est drôle, trois bières. Oui. Vous confirmez, vous avez déjà déménagé, ben oui. Benoît ? Comment ? Vous confirmez, vous avez déjà vous-même déménagé ? Oui, absolument, oui. Mais donc voilà, vous parliez des caisses tantôt, donc c'était 37, mais pour les caisses, il faut les porter. Donc ce qu'on a vu aussi, c'est que les gens nous disent qu'il y a quatre amis qui viennent, ou proches en tout cas, qui viennent les aider à porter ces caisses.

Et retour des enfants de cœur demain soir dans le 5 à 7 sur Vivacité. Demain, il y aura Amir qui sera l'invité de l'émission. Amir, j'ai cherché un. Ça va comme ça, Olivier? Oui, attendez, mais vous le faites bien. J'ai cru que c'était vous d'ailleurs, c'est vous dire. Oui. Ah ben. Puis après, j'ai regardé, je me dis, ah non. Le vrai sera demain dans le 5 à 7. Demain, on saura qui repart avec un vélo électrique aussi. Tirage au sort parmi tous les présélectionnés de la semaine. 1000 euros le vélo, c'est pas mal. Hein. Attendez, c'est du cadeau, ça, monsieur. À propos de vélo, l'info vient de tomber. Les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve. On avait parlé d'accès payant et tout ça. Oui. Et ben c'est annulé. David Riffon, il revient dans un instant. Dans on a arrêté les 24. C'est fini. Il n'y a plus les 24 heures. Ben ah non, c'est l'accès payant. Voilà. C'est annulé. C'est ça. Ben ça c'est de l'info. Vous en saurez plus dans le journal dans un instant. Et puis le tip-top qui arrive. Ouais, dans quelques instants. Merci Cyril. On vous retrouve. Mais alors, certainement, demain, il n'y a pas de raison. Et sachez que dans un instant, on va se faire plaisir avec, entre autres, Navi. Alors j'écoute, tu m'as resté. Mais quoi ? Mais Gautier, le magasin de mobilier contemporain. Gautier ? Votre premier magasin Gautier en Belgique vous propose des conditions exceptionnelles d'ouverture au 246, chaussée de Waterloo à Rode-Saint-Genèse, à côté de Dovi. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher ? Pas chez Citroën Dragon Boss, Citroën Evair et Citroën Isère. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Citroën. Pour vos pneus et kits hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Citroën. Voir conditions en magasin. Paul est tout heureux de montrer à son ami Jean l'intérieur full équipé de sa toute nouvelle Seat Ateca. Mais Jean préfère rester à l'extérieur. Oh, super tes jantes. T'as vu ça? Allez, viens que je te montre l'écran de ma caméra Top View. Et sa ligne, quoi, elle est superbe. Entre, viens voir mon chargeur sans fil. Ça va, je le vois très bien d'ici. Bah, allez, monte, je t'emmène faire un tour. Je peux? Oh, il est jaloux. Elle est trop belle. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. On est toujours gagnant chez Intermarché. Et plus encore, c'est samedi 24 septembre. Pour la journée du client, nous vous offrons un livre de recettes et nous doublons les euros reversés sur votre carte de fidélité. Wow. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Au poire rouge, au poire rouge, ton goût juteux glisse dans la bouche. Complètement belge, sweet sensation, séduisez-nous au poire. Les poires Sweet Sensation, juteuses et belges, maintenant dans tous les magasins prêtes à vous séduire. Aux poires rouges, aux poires rouges, aux poires rouges. Sweet Sensation. Il est 19h. David Riffon, bonsoir à tous. On vient de l'apprendre, les 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve sont annulées. Elles n'auront pas lieu cette année. La menace terroriste faisait exploser le budget sécurité de l'événement. Il était 5 fois plus important que l'an dernier. Les organisateurs prévoyaient dans un premier temps de rendre certains accès payants, 2 euros, mais cela ne suffit pas pour boucler le budget. Au final, l'événement folklorique et studentin est purement et simplement annulé. Confirmation du bourgmestre d'Ottigny-Louvain-la-Neuve, Jean-Luc Roland. Les 24 heures devaient avoir lieu le 26 octobre prochain. C'était il y a 6 mois, jour pour jour, le 22 mars. La Belgique plongeait dans l'horreur. Des attentats terroristes frappaient la station de métro Malbec et l'aéroport de Zaventem. 6 mois après les attaques djihadistes, l'aéroport n'a en fait pas entièrement rouvert. Contrairement au hall des départs principaux, le hall Connect